Donc bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast du collectionneur édition numéro 31. Et je me suis pas trompé cette fois. 31, on avait acheté la mâchoire. Dites-moi que je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé. C'est ça, c'est plus 31. C'est exactement ça. Tout va très bien. Ce soir, un super podcast vachement préparé. Ah bah oui. Avec un personnel en pleine forme, plein de comportements. Bah ouais. Ah bah oui. Et ça va être vachement bien. Parce que on s'est dit que finalement, après moult concertations, ce serait sympa de refaire un petit peu la guerre Sega Nintendo. C'est-à-dire. Mais, non mais surtout, voilà, vous taper. Non mais en plus, je pense qu'on parle pas assez de Nintendo à partir de là. Je vais vous tuer. Je suis désolé à ceux qui comprennent pas ce qui se passe, je vais juste tous les tuer, voilà. Non, mais en fait, Moa nous a demandé gentiment si on voulait faire un certain type de podcast, un certain type de sujet, et on a dit banco. Il a dit banco, mais c'est tellement ça. Vous êtes des connards. Les mecs jouaient, vous êtes des connards, sans je suis dans ça ou pas. Reprenez-vous, okay. Monsieur, enfin. Ok, bon, on va la jouer comme ça, très bien. Nom de Dieu. En plus, une semaine où on a vachement de news. Pareil. On en a quelques-unes. On va commencer, tiens, par ça, dans l'ordre, puisqu'il y a un autre. Serait apparu donc sur YouTube de nouveau deux prototypes inconnus de Sega Saturn. Mm. Ah, ça, c'est bien. Ce qui est bien, mais pas top. Non, c'est plutôt. Je sais pas si quelqu'un va mettre le lien. On peut mettre le lien sur. Voilà, j'ai correctifié le podcast. J'essaie de vous retrouver ça. Faut savoir. Je vais le retrouver. Ok, ça. L'ai normalement, si je peux. Non. Je l'ai. Hop là. Ces prototypes-là, en vrai, ils ont déjà été plus ou moins présentés. Il y avait déjà eu des photos qu'on tournait il y a quelques semaines, voire quelques mois. Hein. Mais là, il y a une vidéo dessus carrément. Donc, ils existent. On sait si ce sont des prototypes par d'autres marques que Sega ou vraiment des prototypes de Sega même. Bah justement, ça c'est l'inconnu. Mais il y a, en fait, je sais pas si c'est encore prouvé que c'est vraiment des vrais prototypes de Saturn ou après, si c'est. Honnêtement, donc il y en a deux. Il y en a une beige et une grise. La grise. Moi, ou alors le truc a été stocké n'importe comment, et c'est possible, attention. Mais quand on voit la tronche qu'elle a, c'est compliqué. Hein. Il faut savoir que la Saturn, donc il n'y a pas que des Saturn de Sega, pour ceux qui ne savent pas. Oui, il y a les Victor aussi. Puis... Victor comme Hitachi, puisque la Saturn au départ était un petit peu destinée comme la 3DO. À être un espèce de standard que d'autres constructeurs pourraient racheter pour sortir leur propre modèle. Sauf que c'est pas arrivé jusqu'à nous. Nous, en Europe, on a les droits qu'au modèle Sega, mais au Japon, il y a quelques modèles d'autres marques qui veulent leur pesante cacahuète. Après, je sais pas si c'est ce que ça vaut, parce que je connaissais pas ces autres modèles de Saturn, mais sur les images, c'est écrit Sega Saturn. Ouais. Donc, sachant que celle de gauche est vraiment très proche de la forme qu'on aura au final. Ouais. Et celle de droite, elle ressemble un peu au Sega CD. Comment ça s'appelait ? CDX. Ouais, CDX. Ou Wonder Mega, ouais. Enfin, ce genre de truc. Qui fait Discman. Ça fait vraiment Discman pour le coup. Hein. Moi, j'aime bien. Donc, décidément, c'est incroyable comme finalement, depuis un an et demi, on peut voir apparaître de prototypes, de choses qui sortent. Peut-être qu'il y a. Alors, on a peut-être franchi un vrai engouement pour le rétro au point où maintenant les gens se mettent à vraiment rechercher même des prototypes et essayer de les faire sortir. Oh, ou même peut-être depuis très longtemps ça. Ouais, mais là vraiment. Bah, parce que en tout cas pour les consoles, ouais, je suis d'accord, c'est un peu inédit. Ouais. Pour les consoles, j'ai l'impression que c'est vraiment soit effectivement les gens se sont mis à chercher ce genre de truc, soit des gens les avaient et se sont dit tiens mais ça intéresse des gens finalement je vais dire que j'ai ça ou ça. C'est vrai que c'est, entre le 64DD US la PlayStation, Super NES, PlayStation, les Sega Saturn, il y a eu pas mal de les trucs prototypes d'Atari aussi, ouais. Oui, Ouais, mais attention, les prototypes, tu parles des prototypes de la 2700, c'est ça? Ça, oui. Mmh. Mais ça, ça fait longtemps qu'ils existent et ça fait longtemps qu'on sait à peu près combien il en existe de ces protos. D'accord. Donc pour le coup, c'est pas des choses qui ont popé il y a quelques mois où voilà. C'est des choses qui étaient bien bien bien connues des collectionneurs Atari. Et si l'autre chose, il y a Florent Gorge qui a teasé concernant le volume 2 de l'histoire de Nintendo qui va ressortir donc chez Omake incessamment sous peu. Ils vont rajouter des nouveaux Game & Watch, et en particulier il a teasé la photo d'un Game & Watch qui apparemment presque personne n'a vu jusqu'à aujourd'hui, oui, offert aux employés Nintendo pour un certain nombre de ventes avec une plaque exclusive. D'accord. Et je suis très impatient de voir ça et d'en apprendre plus sur ce genre de choses. Oui, parce que c'est magnifique. Mais par contre, c'est très gros. Hein. C'est le mastoc. Après, j'ai rien contre, mais comment dire, refaire une mise à jour d'un bouquin qui est sorti il y a quelques années. Alors ça, c'est un autre problème. L'histoire de Nintendo Volume 1 donc, connaît une réédition augmentée de 60 pages. Le Volume 2 va connaître une nouvelle édition qui va donc c'est sa troisième édition. C'est Apple maintenant, en fait, Florent Gorge, quoi. Bon. En même temps, son business, c'est de vendre des trucs. On va pas non plus... Exactement, exactement. On est bien d'accord. C'est pas une œuvre caritative. Ça, je suis bien d'accord là-dessus. En tant qu'éditeur, il doit vendre du bouquin. Mais ça fait chier que j'ai acheté les bouquins Day One il y a quelques années et que là on dit ah eh ben tu veux la, voilà, si tu veux un complément. Ouais, après, comme il expliquait, c'est l'histoire. Comme l'histoire elle est pas figée du jeu et qu'on découvre tous les jours des nouveaux trucs, au bout d'un moment il essaye de les rajouter. Il essaye, mais il peut pas faire des encarts à chaque fois. Bah c'est compliqué sur un format physique de mettre à jour. C'est ça. Comme l'histoire, elle n'est pas figée et qu'effectivement, tous les jours, on découvre des nouveaux trucs, c'est compliqué d'avoir vraiment un truc exhaustif et figé. Tant qu'il ne fait pas ça en financement participatif avec des stretch goals de l'infini, moi, je m'en fous. Ça me va. Puisqu'on en est donc dans le monde de l'édition, je tiens à faire personnellement un petit coucou, une pensée émue à tous ces gens qui ont précommandé l'histoire de Capcom chez Pix & Love il y a maintenant un an et demi, et donc qui n'ont toujours pas été livrés, puisque le bouquin a donc été encore repoussé au mois de décembre. Et bon, voilà, ça fait partie du genre de détails qui commencent à me faire sérieusement réfléchir où vont ces éditeurs exactement, et qu'est-ce qu'ils attendent de nous, je veux dire, à part notre pognon, parce que... Voilà, repousser de quasiment un an et demi la sortie d'un livre sans aucune explication, alors que les gens ont déjà payé, c'est pas terrible. De notre côté, j'allais dire, c'est ceux aussi qui s'occupent de la sortie de Axiom Verge en version physique. Ah, c'est pour ça que mon jeu que j'ai payé depuis quasiment un an, qui devait sortir au mois de Vous n'avez pas compris. Sortira au mois de janvier. Je pense que vous n'avez pas compris. Ah, c'est cool, je suis content. Non. En fait, vous n'avez pas saisi un détail. En fait, qui écrit le bouquin? Bonjour. C'est Inafune Keiji, en fait. Et du coup, bah, le sortira fort tard, et ça sera mieux que rien. Voilà. N'importe quoi. Ah bah oui, mais attends. Tant qu'on... On sent tellement la haine. On en était à dire n'importe quoi avant le début du podcast, donc... J'essaie d'être sérieux, là, sur ce que... Non, parce que non. Pardon. Donc, alors, on va... Ce bouquin, ce n'est pas les gens qui sortent Action Verge, ce n'est pas Mousse Diouf, et ce n'est pas Inafune. Non. C'est... Voilà. Le fond de ma pensée, c'était juste, voilà, que encore repousser un livre qui devait sortir il y a un an et demi, je comprends même pas pourquoi les gens n'ont pas demandé d'être remboursés. Quoi. Enfin, c'est vrai qu'à un moment. L'autre truc aussi qui a popé cette semaine, et je vais en parler rapidement, c'est pas pour en faire la pub. Donc, chez Omake sort une immondice, un Argus en partenariat avec Mr. Game Price. Putain, j'ai vu popper ça aussi. Voilà. J'ai vu popper ça. Ouais. Après, bon, comment devenir YouTuber avec les conseils du JDG, c'était rigolo. Ça, c'est nettement moins rigolo. Ça me fait beaucoup moins rire le coup de l'Argus, parce que là, attendez-vous à voir tous les gogoles de France à chaque fois qui vont nous mettre un jeu à un tarif prohibitif, nous sortir l'Argus sur la table en disant, il est marqué là-dedans, gars, c'est l'Argus. Hein. Donc on vous vouliez un podcast de la roue libre, je pense que vous l'avez. Non, et surtout que là, en termes de jeux vidéo, il n'y a aucun, et je dis bien, aucun site web, machin, qui fait office de référence. De toute façon, tu peux pas, étant donné que c'est les gens qui fixent les prix. Non, mais après Boss Dick, dans certains pays, surtout aux États-Unis, tu as le truc qui s'appelle le VGA Grade, je sais pas trop quoi. Quelqu'un connaît ici? Non. C'est un peu comme pour les comics, en fait, tu leur envoies ton jeu, et en fait, ils te le renvoient avec un certificat en disant il vaut autant. Ah super. Oui, ça, oui. Voilà. On a pas ça en Europe, on a pas ça en France. Donc, je vois, comment dire, quand des fois, je vais, par exemple, tiens, bon, pour le coup, puisqu'on est en roulis pour en parler. J'allais dire, il y a quelqu'un qui le fait, ça, mais je vais pas dire, parce que... Quand je vais à mon Easy Cash, pas loin de chez moi, et que je vois qu'ils ont une Atari Lynx avec le truc défoncé, le cache écran défoncé, qui vendent ça 100€, qui disent « Ah mais non, mais en fait, c'est le prix sur eBay. » Oui, mais c'est le prix en parfait état, et qui fonctionne. Voilà. Donc au bout d'un moment, bah, étant donné que tu n'as personne qui contrôle, la personne qui fait quoi que ce soit, bah, du coup, bah, c'est... Oui. Les tarifs... Chacun fait ce qu'il veut, voilà. Les tarifs dans le bouquin ont tendance à, apparemment, concernent uniquement des jeux complets en très bon état. Et moi, je commence beaucoup à voir de magasins de plus en plus, en particulier certains caches, mettre des jeux en loose le prix de boîte et notice, ou des jeux sans notice le prix de complet, et vous regardez avec un grand sourire niais en disant bah, soit tu prends ce tarif-là, soit tu t'en vas. Non, et puis il faut être honnête aussi. Ah. Voilà, je suis désolé, Boss Dick, ça a commencé, ça a coupé pile quand t'as commencé à parler en fait. Ok, donc, ça. Donc non, mais je suis désolé, et puis après. On est toujours en ligne aussi. Oui, oui, oui. Ok. Mais juste, on n'a pas entendu ce qu'a dit Boss Dick. Ok. J'ai dit que ça n'existait plus les jeux en bon état. C'est fini tout ça. On peut trouver quelques perles rares, mais ouais. C'est plus rare, on va dire que c'est de plus en plus rare, donc faire un Argus. Sur des jeux complets en bon état, quand on parle de la Super Nintendo, va trouver des boîtes européennes maintenant en très bon état. Ah bah ouais, ça... Voire même complet en bon état. Voilà, c'est compliqué maintenant. Ouais. Enfin bon, tout ça pour dire que voilà, c'est... Bon, on comprend, ils veulent faire du pognon avec ça, mais ça n'a aucun cas... Ça n'a en aucun cas une bible, ça n'a aucun cas une réalité absolue, enfin c'est... Bon. En tant que collectionneur, ça va être très difficile vraiment de contrer les gens qui vont vous sortir ça sous le nez en disant bah ouais, moi j'ai regardé l'Argus donc. Mais du coup, moi je me pose une autre question. C'est un Argus pour les bagnoles, t'en as tous les ans. Oui. Ah voilà, voilà. C'est quelque part. Il faut bien actualiser. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Sauf que normalement, un Argus. N'a pas qu'une seule source. Là, allô, ils ont un partenariat avec... comment tu disais, Björn ? Mr. Game Price. Mr. Game Price, qui doit être la seule Linux source, j'imagine ? Oui. Oui. Ah oui. Voilà. Voilà. Ben, donc, voilà. Donc, cet Argus-là n'a aucune valeur autre que d'avoir les prix Mr. Game Price. Voilà. C'est un peu comme si je décrète en fait que l'Atari 2600 a été inventé par George Washington. C'est ça. Voilà. Peut-être pas non plus, mais... Bah, ouais. Pas loin, quand même. Faut aussi être honnête. Non, après, c'est comme d'habitude. Ils font comment leur, ouais, après, c'est le débat que j'ai aussi avec pas mal de gens de mon entourage, c'est ce que je leur dis depuis des mois. Le marché du rétro, chez nous, est trop lucratif pour son bien, son propre bien. Et du coup, forcément, on en arrive aussi à des choses comme ça. Faut pas... Je suis même pas étonné. J'ai vu passer le truc. Ça m'a même pas fait réagir. Je suis même pas étonné. Non, mais après, c'est comme d'habitude. Sur quoi il se base ? Bah oui. Mais ça, quelque part, on le saura que quand le bouquin sera sorti. Et voire même il faudra l'acheter pour voir. Mais... Ouais, mais non, mais non. Non, merci. Non, merci, madame. Cela dit, puisqu'on parle toujours des livres, il y a juste rapidement un bouquin sympa qui est sorti, donc toujours chez Omake, écrit par la femme à Florent, Gorge Mizuki, qui s'appelle Geeks Food, qui est un petit livre qui vaut 10 balles, qui vous enseigne comment faire des. des recettes geek pour animer vos apéros et vos amuse-gueules. Et juste pour dire que c'est bien fait, que c'est sympa, et que c'est agréable à regarder, que c'est pas extrêmement difficile à faire, même s'il y a des choses un peu qui demandent un peu de minutie, et que voilà, c'est sympa. Ah, mais c'est comme avec Monsieur Poulpe, mais en moins bourré. Ah. Et en moins con. Et juste dit moins bourré. Mais ça peut être intéressant, effectivement. Voilà, donc je trouvais ça sympa. Au niveau des nouvelles, ah oui, Chou, t'avais parlé de ça. On a plusieurs trucs, ouais. Il y a une démo qui est sortie, je voulais parler de ça, pour le jeu Shadow of the Beast, sur la Amstrad GX 4000. Alors, dit comme ça, on dirait, ça ressemble à une blague, mais, alors moi quand j'ai vu passer le truc, je me suis dit, oh putain, ça sent le... Pour citer mes répliques des Simpsons, ça sent le mélange des cartoons complètement foireux. Ouais. Mais pour le coup, bah en fait, après avoir regardé plusieurs fois la vidéo YouTube du truc, en fait, les Shadow of the Beast, à chaque fois, c'était des démos techniques, de toute façon, de l'Amiga. Ouais. Donc là, quelque part, c'est un peu une démo technique sur une console qui est sous-évaluée, sous-exploitée pour en faire une démo technique. Bah en fait, en regardant, c'est absolument pas moche. J'ai vu le truc, je me suis dit, putain, en fait, l'Amstrad, elle était capable de gérer des dégradés de couleurs et des choses comme ça. Ça m'a bluffé. Chose qu'on n'était pas habitué à voir sur la console. Ouais, mais en fait pourquoi Bosdick ? Après, du coup, j'ai recherché vite fait. En fait, la GX4000, elle est basée sur les architectures... elle est basée, je crois, sur l'architecture 6128+. Et apparemment, voilà, il y a une petite différence avec l'architecture 464 et 6128 de base, et du coup, voilà. Ce qu'elle ne sait pas gérer, la GX4000, c'est surtout les scrolling, non ? C'était un peu pas génial. Bah, c'est Amstrad, oui. c'est toute la gamme Amstrad qui n'avait pas géré les scrolling, hein, de toute façon. Si j'étais méchant, je dirais qu'elle ne sait pas gérer les jeux vidéo, mais bon, je... Ouh, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais ouais, mais sinon la démo technique est vraiment intéressante, je dois avouer. Ça m'a bluffé. Et tu voulais également parler d'un port de Donkey Kong. Exactement. Donc il y a des gens qui se sont dit, tiens, nous, on va essayer de refaire un Donkey Kong pour la NES, mais qui soit plus fiable, enfin le plus proche possible de la version arcade. Apparemment, c'est en développement, donc c'est fait par des fans. Vous pouvez trouver ça sur le forum nesdev.com. La NES a déjà accueilli le premier Donkey Kong arcade, mais amputé d'un tableau. Exactement. Et avec quelques différences notables, graphiques et sonores, évidemment, parce que c'était pas du tout le même hardware. Il y a surtout une différence que peu de gens ont calculée, parce qu'il faut savoir que le bug existe dans la version arcade, c'est ce qu'on appelle le milking sur le second stage, en fait, ou le fameux stage dérivé. En fait, si tu peux en fait te coller très proche de Donkey Kong et sauter, faire des points à l'infini. Ah oui. Je savais pas si tu pouvais faire ça. Mais voilà. Je l'ai appris à un pote cette semaine et c'est assez rigolo. Donc si tu veux, comment dire, exploser les scores de tes potes, tu dis rien, tu leur montres ça à la fin, et puis et t'arrives à troller tout le monde. Donc ouais, apparemment. Et il y a apparemment celui qui a développé le truc, il hésite à partager le fichier, il hésite à partager la ROM. Fais tourner, mec. Il a peur que Nintendo s'assoie sur son visage et on a retrouvé Pell. Voilà, ouais. Ouais, Pell est revenu. Non, je suis même pas parti. J'étais là. Bon, on t'entendait pas. On avait entendu un début de robot. Ah merde. Bah, moi, j'avais appelé ton avocat pour savoir ce que tu me liguais, donc ouais, j'ai un peu déçu du coup. Il te laisse moelleux. Vu que t'aimes bien les animaux. C'est vrai. Ok. Et donc la dernière news qu'on avait, donc c'est le développement pour le ZX Spectrum d'un jeu. Mais Chou, je te laisse en parler aussi. Oui, bon. Les ZX, vas-y. une version de Zelda pornographique, c'est ça ? Mais quelque part, en fait, tous les trucs obscurs. Ça s'appelle Zelda, donc. Bon, oui. Tous les trucs obscurs et avec des machins qui piquent les yeux, en fait, c'est pour moi, c'est ça ? Merci. Non, pas vrai. Mais je prends, je garde, je vous le donnerai pas. Donc ça s'appelle Zelda, Donc, ah oui, mais c'est vrai. Ah, d'accord. Donc, c'est apparemment, ça utilise le nouvel moteur de jeu Mojang Twins. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un moteur qui a été utilisé surtout dans des homebrew de jeux Spectrum et aussi NES. Bon, le moteur n'est pas dégueulasse, mais apparemment, là, il y aurait une possibilité de faire voilà, un jeu d'aventure comme Zelda. Il y aurait donc 144 écrans séparés, 48 niveaux souterrains. Apparemment, c'est ce que je vois. D'accord. Voilà, fait, apparemment pas mal de choses. Apparemment, le créateur dit que pour le compléter, il faut quand même 2h30. Pour un jeu Spectrum, waouh, c'est balèze quand même. Et ça puis c'est mignon hein, quand je regarde. Oui, les oui, c'est pas. Même, c'est pas dégueulasse, c'est mignon quand même. C'est loin d'être dégueulasse. Du coup, je suis en train de regarder en fait si il a mis le lien du jeu, voilà, au format TAP. Donc ce week-end, je vais tester ça dans mon coin, et apparemment je récupère un week-end, n'importe quoi, un Spectrum qui va bien samedi, et je me dis que j'aurais bien envie de tester ça sur le vrai hardware. Ça pourrait être sympa. On sent la joie, là. Ah, mais oui, totalement. un jeu Spectrum gratuit. Oui. Ah, c'est un Spectrum 128. Ah bah oui, celui que je récupère, c'est aussi un 128, apparemment. Bon, voilà, je testerai ça, et puis on verra bien. Pour terminer sur un petit truc pour les nouvelles de la semaine, j'avais envie de parler de quelque chose, hein, juste pour le plaisir qu'on en parle un petit peu. Je pense que tout le monde est au courant que notre cher ami et collègue Squeezie a fait la promotion de son livre chez Thierry Ardisson et que l'interview a fait un petit peu le tour du web. J'en ai entendu beaucoup parler de cette interview. J'avoue, j'ai pas vu. C'était du Ardisson et du Baffy qui comprennent pas effectivement ce qu'est le monde de l'internet. Ou qui font exprès de pas comprendre parce que le monde de l'internet commence un peu à empiéter sur le monde de la télé. Bah, ils en ont parfaitement conscience. Je sais pas, non, mais c'était peut-être que c'était, je veux dire, voilà, c'était peut-être volontaire. Ouais, et peut-être aussi. Mais je l'ai pas vu, donc je sais pas, je peux pas dire là, je vous laisse parler. Maintenant. Alors, moi, quand j'ai vu l'interview, ce qu'il en sort au final, en réfléchissant un peu, je me dis, d'un côté, on a Ardisson et Baffy qui font un petit peu les vieux cons réac, qui font plaisir à leur public habituel, qui de toute façon n'aurait pas acheté le bouquin de Squeezie. Et en face, on a un Squeezie qui est relativement digne, qui sait rester calme et bien répondre, et qui donc a fait très plaisir à ses fans qui vont de toute façon acheter le livre. Au final, ce qu'il y a en sorte, c'est que... Tout le monde y a gagné. On est content, gagnant. Bon, après, on peut pas dire que... Alors, je comprends, ça ne doit pas être évident en ce moment, mais on peut pas dire que Squeezie ait une prestance absolument fantastique. Il va pas être le porte-étendard de notre génération. Je veux dire, comme j'ai dit avant de discuter avec Pelle, c'est pas Balzac quand il parle. Moi, c'est... Alors, en fait, cette interview, c'est pile je gagne, face tu perds. C'est ça? Ça reste un jeune homme de 21 ans, quoi. Oui. Et bon, cet après-midi, pour le fun, parce que j'aime bien, moi, je suis un chercheur, vous savez. Donc, je suis regardé quelques vidéos de Squeezie. Ce qu'il voulait dire par « je suis un chercheur », c'est « j'ai beaucoup de temps à perdre ». Je suis un chercheur, mais d'emploi. Et donc, sur le coup, je vais regarder ce que Squeezie fait. Et là, c'est le drame. Bah, je suis un peu dubitatif, hein, c'est sûr. Bah, que... Oui, mais c'est normal, parce que ça ne s'adresse pas à nous. Ouais, je pense pas que bah ça, oui, qu'on soit le public. C'est... Bah si, ça s'adresse à nous, ça s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de balasme. Mais... Bah, je suis vraiment pas certain. Ticket, quand il écrit, c'est un public bien particulier, c'est pas nous. On voit pas les choses comme ça. Voilà, c'est pas très intelligent, ça ne va pas vous rendre meilleur. C'est à la limite du supportable, mais en même temps, c'est court, donc au niveau... T'attends pas non plus à un niveau philosophique, quoi. Il est là pour faire du divertissement, c'est tout. Et comme je dis, ça reste un jeune homme de 21 ans. Il a commencé les vidéos, il avait 15 ans, quoi. Si ça marche, je peux pas dire, j'en sais rien. Non, mais c'est cool, après, c'est... J'ai dû regarder une fois dans ma vie, c'est tout, quoi. Ouais, ça... Moi aussi, mais c'est pas... C'est un peu la dash qui dit au bon endroit au bon moment. Et voilà. Après, c'est ce qui est... ouais, c'était sympa de voir la confrontation des deux mondes. Voilà. On sent que la télévision. On sent toute l'amertume du cornichon, quoi. C'est ça. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui regarde encore la télévision. La télé n'est absolument pas menacée. Ça continuera à cohabiter parce que énormément de gens continuer à la regarder. C'est juste que ça s'adresse plus au même public. Ouais, voilà, tout simplement. C'est peut-être Ardisson et Buffy qu'il va falloir mettre au placard. Attention, eux, ça fait combien de temps qu'ils sont là? Moi, j'ai... Bon, c'est pas encore des Drucker, mais presque, hein, quand même. Ça fait quasiment 40 ans. Hein. Pour remplacer Buffy, moi, je dis Buzzdy qui est parfait. Non, merci, madame, parce que j'insulte pas les mamans. Parce que c'est vrai que quand Buffy dit à Squeezie, on en a reçu des branleurs, mais alors celui-là... J'ai trouvé ça dégueulasse. Buffy, c'est le gars qui a fait les clés de la bagnole, c'est ça? Ouais. C'était le mec aussi qui était ridicule tous les soirs dans Nulle Part Ailleurs aussi. Passer son temps à être désagréable et insulter les gens. Quoi. Voilà. J'ai envie de dire oui. Non mais attendez aussi. Quelque part aussi, Squeezie, je vais prendre sa défense, parce que c'est pas quelqu'un que je connais, c'est pas quelqu'un que pour prononcer son nom, je me sens en courant, je m'en fous, il fait ce qu'il veut. C'est très bien aussi qu'il puisse aussi vivre très, très confortablement de ce qu'il fait. Après tout, ça a du succès. Mais il ne fallait pas s'attendre de sa part à une réaction de bonhomme, à se lever et à foutre un high kick dans sa tête à Buffy. Quoi. Ça aurait pas fait avancer le schmilblick. Hein. Il a eu raison, il a joué le jeu de la télé. Il a répondu calme, tranquillement. Et voilà. Il a eu raison. Il était là pour faire sa promo et le reste, Balek. Ouais. C'est ça. Ouais. Il allait pas se lever, serrer la main à Buffy et lui faire une clé de bras, quoi, pas déconner. Faut arrêter les blagues. Ça m'aurait fait rire. Oui, moi aussi. J'avoue. L'image est très drôle, mais non. Bon, enfin. Bon, en fait, on sera là quand même. Oui. Non. Où en est ton fil rouge, Ubi, bon. Tout ça. Je veux pas parler de ça. Allez. J'allais juste dire pour conclure que on sera là le jour où... où la télévision mourra, et pour citer Hugo, on viendra déposer un bouquet de bruyère en fleurs. Ah. Et moi, je déposerai une belle gerbe. mais bien évidemment. Ah oui. Donc, mon fil rouge, parce que c'est rigolo quand même, donc pour ceux qui ne savent pas, et ils sont nombreux, je tiens absolument... Qui était en vacances. J'ai commandé mon exemplaire d'Assassin's Creed Origins Gold PS4 sur la boutique Ubi en me disant, je commande directement à la source, genre, wesh, je fais vivre la petite boîte, quoi. Et donc, j'ai reçu un exemplaire du jeu avec le choix de langue anglais ou russe. Ce que la boutique a vraiment reconnu comme étant un vrai problème en interne, qu'un millier de personnes, on a été environ un million qui a impacté. Ubisoft a mis quasiment 3 semaines avant de nous envoyer les bons exemplaires de jeux en français. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque je devais être livré aujourd'hui et UPS a décidé de ne pas livrer mon colis. Voilà. Mais c'est UPS aussi. Donc là, on continue le running gag. Je n'ai toujours pas mon jeu, je ne joue toujours pas, tout va bien. L'union des petits Suisses, c'est vrai. Ouais. UPS. Mais ça va tout bien, je suis serein, je jouerai à Noël, hein, ou l'année prochaine. Peut-être. Et encore, on n'a même pas encore évoqué d'éventuelles compensations pour les 3 semaines. Attends, et puis, qui t'a dit qu'ils t'ont envoyé le bon jeu, hein, t'en sais rien. Oui, toi t'auras la version avec des lootbox. Non, les autres. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont envoyé les jeux tous le même jour, donc je peux voir qu'il y a plein de gens qui l'ont reçu aujourd'hui normalement, puisque UPS a fait son travail ailleurs en France. Et donc les gens sont tous contents parce qu'ils jouent Assassin's Creed. Voilà. Sauf toi. Et en plus, ils te mettent des tweets, ils te poquent dans les tweets en te disant « Regarde, nous on joue. » Qu'est-ce qu'ils sont bien, les gens. Mais bon, voilà, ça va. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien. Enfin, comme le dit Fury dans le chat, hein, l'omerta des sites jeux vidéo qui n'en parlent pas, oui, ça, par contre là, c'est... Ouais, même si à l'échelle d'un jeu comme Assassin's Creed qui est vendu à des milliers, quand même peu, hein, quasiment 2-3 millions d'exemplaires, je pense, à chaque jeu, même s'il y a 1000 personnes impactées, c'est qu'il y a quand même eu un problème quelque part. Bah, disons qu'il y a un problème avec le magasin, et ça, c'est grave. Si le magasin en ligne a des problèmes, ouais. Sur autant de personnes, oui, c'est grave, ils auraient dû en parler. Ah, ouais, le problème de la Shop Ubi, c'est qu'il y a apparemment eu déjà des problèmes concernant le jeu South Park. Eh oui. Il y a des problèmes à nouveau concernant Assassin's Creed, où au moment, voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent « la prochaine fois, on ira chez Leclerc ». J'en entends qu'ils disent. Cela dit, je tiens quand même à vous dire qu'en termes de suivi, à l'heure actuelle, mon colis est toujours en livraison. Depuis 6h ce matin. Il s'est peut-être fait poursuivre par des loups, le livreur. Parce qu'il est perdu dans la forêt, là. Ça se trouve, c'est un aigle qui l'a... Non, mais il vient à pied par les Pyrénées, c'est normal, s'il met du temps. Un beau jour, peut-être une nuit. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne jouerai pas ce soir. Voilà. Bon, voilà, je pense que c'était tout pour le tour. J'ai une petite news. On va crever. Savez-vous de qui c'est l'anniversaire aujourd'hui? Mos Diouf. Non, de quelqu'un. Alors accrochez-vous, hein, de quelqu'un qui est né un 16 novembre. Waouh. Mais alors, qui précisément? C'est l'anniversaire de Shigeru Miyamoto aujourd'hui. Ah, ce que j'allais dire, tout ça c'est mystérieux, c'est un vieux, du coup j'allais dire, si non, c'est pas l'anniversaire appel, parce que je sais non, quand est-ce que c'est Miyamoto, ouais, c'est il est né 16 novembre, je sais pas quelle année par contre, mais c'est son anniversaire. 52. Ça, non, 52, ça va pas, tu regardes sa tête, on dirait qu'il a 120 ans. Ah bah oui, mais c'est un japonais, c'est un vieux sage dès la naissance. Ouais, non, mais là, 52. Bah, arrête, mais là, il est plus vieux que ça, tu regardes son visage, c'est objectif lune, il y a des crevasses et tout, mais c'est vrai. Non. 52, ah, ouais. Ça veut dire qu'il a encore de longues années devant lui à faire des... 8 musiques, ouais. Des 8 musiques. Il peut faire 8 musiques 2. On est dégueulasse, je te jure. Mais je crois qu'on est bien parti là, qu'on va rentrer dans le vif du sujet, ça va bien partir en cacahuète. Je sais pas si vous le sentez. Pardon. Comme moi. Donc voilà, bon bah, joyeux anniversaire, monsieur Miyamoto, merci. Oui, joyeux anniversaire. Merci pour tout merci ce que vous avez fait, un petit peu moins pour ce que vous faites, mais voilà. Continuez à traumatiser des développeurs et à les insulter. C'est cool. Et à faire caca dans leur bouche. Je sais pas. Ça, on sait pas. Hein. Voilà. Je crois qu'il est temps de rentrer dans le jeu. J'ai peur de demander si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire. Non, ça va aller. Non, moi ça va. Ça ira. C'est comme actuel qualité filtre. C'est pas la peine d'en rajouter, je pense. Non, c'est bon. Je crois qu'on a un sujet d'ailleurs important qui. Voilà. Ce soir, on avait envie d'évoquer la petite guerre qui a opposé Sega et Nintendo dans les cours d'école dans les années 80 et 90. Parce que c'est important, parce que nous, on a vécu en tant qu'insiders, on va pouvoir vous en parler. Oui. Ah déjà, ouais. Pour commencer, très important, on a tous une team, en vrai, au fond de notre cœur. Oui, moi, c'est 20 centimes. Attendez, alors, Bostik, bannir du Discord. Hop, c'est parti. Voilà, c'est bon, pas de problème. Et donc, je disais... Pardon, je suis pas là, vous avez rien entendu. Y aura-t-il quelqu'un d'autre que moi pour défendre Sega ce soir? D'accord, mais on est obligé de choisir un camp du coup. On n'a pas le choix. Ah merde! Ah non, moi je choisis pas de camp, mais j'ai juste envie de répéter très vite et très longtemps Nintendo. Et bien, pourquoi tu dis ça en plus? C'est pas vrai? Ah si. Ah, moi, je suis la team Sega. On choisit pas sa famille, Sega m'a choisi. On choisit pas ses parents non plus. Hein. Non, mais moi, j'ai un Sega. Peu importe, j'avais une Master System, donc de toute façon, j'avais pas le choix. Mais moi aussi. Hein. Voilà. Moi, j'ai eu une Atari 2600, c'est pas pour autant que j'ai le logo Atari tatoué sur la fesse droite, tu vois. On sait pas. J'ai eu la Mega Drive. Le méga CD. En fait, on fait une guerre Nintendo Sega, mais qui en fait restera que Sega parce qu'on avait que des Sega. Voilà. Bah, moi, j'ai été Sega à partir de quoi de la Saturne. Parce qu'en fait, les jeux d'arcade que j'aimais bien, ils sortaient sur PlayStation, ils étaient dégueulasses. Donc, voilà quoi. Sinon, avant, bon, la Mega Drive, moi, j'avais rien contre. Au contraire, il y a des jeux qui sont bien mieux sur Mega Drive que sur. On va parler de la guerre, mais totalement de manière objective. Bien sûr. Nintendo. Totalement. Nintendo forever. Je sens que ça pue l'objectivité à plein nez, là. Ça sent le traquenard, vos conneries, là. Moi, j'avais commencé avec une Super NES, mais c'est pas moi qui avais choisi, quoi. Enfin, voilà, Non, mais je pense que quand on était petit, c'est pas nous qui... Après, moi, je peux vous résumer la guerre Nintendo versus Sega par chez moi. Les gens... ne savait pas ce que c'était Sega, voilà. Il y a jamais, par chez moi, il n'y a pas eu de guerre. C'était un holocauste. Voilà, Sega n'existait pas. Et il y a juste mes cousins qui avaient des Mega Drive. Par contre, Mais à l'école, par chez moi, c'était pas une guerre. Mais en même temps, bien, on va peut-être commencer par pourquoi la guerre. Voulais, pour commencer déjà d'un point de vue un peu historique, parler du début du commencement, à savoir de l'an 1983, lorsque Sega sort le même jour que Nintendo, sa console de jeu au Japon. D'un côté, Sega sort la SG-1000 et de l'autre, Nintendo sort la Famicom. Attends, tu vas me dire que la SG-1000, elle est sortie le 13 juillet 83 ? Le même jour que la Famicom. Je savais pas ça. Et là, Sega regarde ce qui se fait en face et ils font « Oh merde, on a un problème. » Sur le coup... Ah ouais, t'as raison. Un an plus tard, Sega sort la SG-1002 pour tenter de vaguement essayer de rattraper ce qui se fait au niveau hardware. Mais compte tenu du fait que c'était toujours vachement pas suffisant, Sega sortira encore un an plus tard la Sega Mark III, qui deviendra chez nous la Sega Master System. Donc autrement dit, Sega, tellement sûr de son coup, sort au Japon en l'espace de 2 ans, 3 consoles de jeux différentes. Ça veut dire que déjà à l'époque, ils avaient cette politique-là. Autant dire qu'au Japon, il n'y a pas eu de guerre. La Famicom a tout écrasé, a eu 2 ans pour s'imposer tranquille pépère, et honnêtement, Sega s'est fait défoncer sur cette génération. Mais par contre, ça ne s'est pas passé tout à fait pareil en Occident. Puisque, autant aux États-Unis, Nintendo a mis le paquet avec Nintendo of America pour essayer de contrôler le marché avec sa NES, autant en Europe, en vrai, l'Europe, ça n'existait pas vraiment pour Nintendo, c'était un pays très très loin. Oui et non. Dans certains pays, c'était plus compliqué que ça, notamment en Angleterre, où en fait la NES était très très très très mal distribuée. Mais attends, pareil, depuis quand l'Angleterre, c'est en Europe Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. c'est sur le continent, mais c'est pas dans l'Europe. Voilà. C'est compliqué. Ils sont compliqués, les Britanniques. En France, avant que Bandai donc ne n'attrape la licence pour distribuer la NES, c'était très compliqué d'avoir une NES correctement distribuée en France. Ensuite, c'est les jeux qui arrivaient au compte-goutte, au bon vouloir de Nintendo of America. Bref, Sega, chez nous, a eu le champ libre pendant des années pour imposer sa console, et sa console à l'époque, c'était la Master System. Oui, et en plus, ne pas oublier qu'elle était moins chère. Totalement aussi. Et bah, ça, c'est un argument de poids, vraiment un gros argument de poids. Si au Japon et aux États-Unis, Sega n'a presque pas existé par rapport à Nintendo, en Europe et en France en particulier, on est très nombreux à avoir eu comme première console de jeu une Master System ou une Master System 2 par rapport à ceux qui ont eu des NES. Donc il y avait vraiment une guerre à l'époque. Oui, totalement. Mais il faut. Alors, j'ai pas connu là l'époque Master System, mais il y a un truc qu'il faut reconnaître. D'un point de vue technique, la Master System, vu qu'elle est sortie elle est sortie 2 ans plus tard techniquement au Japon, la Master System en tant que telle, elle colline rouste à la NES, mais c'est violent. Hein. Déjà, comme Fury le dit, il y avait une sortie RGB chez nous sur la Master System, donc voilà, déjà elle a gagné, voilà. Et lunettes 3D aussi, donc déjà c'est tu gagnes. Lunettes 3D et de l'autre côté c'est le robot dégueu qui sert dans 2 jeux mais en fait qui marche très mal. Bon. D'un côté on a Rob, le compagnon entre guillemets de jeu, oui, qui sert avec 2 jeux au total. De l'autre on a les lunettes Gyromite et Stack Up. Ouais. Et de l'autre côté on a les fabuleuses lunettes 3D compatibles avec non pas 1, non pas 2, mais 8 jeux. 8 comme mes doigts. Et qui se cassent dès que vous essayez de les mettre sur le nez, mais bon, peu importe. Oui, d'ailleurs, les miennes n'ont plus de branches. Voilà, c'était extrêmement fragile et pas adapté à des têtes d'adultes, je vous le dis. Et d'ailleurs, pour donner un élément de comparaison, on dirait qu'ils ont piqué le design sur les lunettes de Bret Hart. Voilà. Le catcher, ah ouais, totalement. Ouais. C'est exactement les mêmes. En France... Beaucoup de gens se souviennent d'avoir joué à Alex Kidd en particulier. Oui. Autant je pense que des personnes qui ont joué à Mario Bros ou à Tortue Ninja sur la NES. Et c'était ça qui était notable à l'époque, ce qu'on ne se rend pas bien compte aujourd'hui, c'est que la Master System et la NES n'avaient pas les mêmes jeux. C'était. Du tout. Pour moi, à l'époque, j'ai presque envie de dire c'était presque justifié qu'il y ait une guerre et des gens qui se mettent sur la gueule. Parce qu'il y avait vraiment deux consoles différentes en termes de hardware, différentes en termes de ludothèque. C'était clairement... il y avait moyen de débattre, quoi. De dire pour savoir laquelle est la mieux. On avait quelques jeux multiplateformes, mais il suffisait de les mettre côte à côte. C'était pas... On avait notamment Bubble, où la version Master System est totalement mieux. Sans erreur, la version NES. Ah, oui, à côté de ça, le Double Dragon de la NES est plus agréable à jouer, mais se jouait tout seul. Contrairement à la version Master System qui se jouait à deux. Il y avait des différences assez notables. Mais un des problèmes majeurs que va avoir Sega en Europe, c'est qu'autant Nintendo, c'était l'anarchie au niveau de la distribution en Europe, autant le problème de Sega, c'était d'arriver à vendre ses jeux. Et pour vendre des jeux, il faut savoir faire des jaquettes. Correct ? Ah putain, oui. Et ça a été le premier problème de Sega en Occident. C'est pas Wrestling. Vrai. C'est pour Wrestling sur Master System. On ne peut pas dire que la jaquette de The Ninja, elle est moche. Non, c'est pas possible. Bon, je vais reprendre mon exemple d'Afterburner, c'est ça que vous voulez ? Non. Non, mais ça va aller. Le Afterburner européen, on dirait que c'est un enfant de CM2 qui a essayé de redessiner la jaquette japonaise. Bah, qui te dit que c'est pas le cas ? Oui, ah, peut-être que c'est le cas, oui. Finalement. Parce qu'une jaquette où tu vois un point, Regarde, cette semaine, j'ai retrouvé sur une cassette MO5 un programme qui avait été codé il y a 40 ans par des lycéens. Bah écoute, je me dis, c'était plus propre graphiquement, même si j'ai pas compris à quoi ça servait. Apparemment, c'est pour utiliser une table traçante, c'était plus propre que les jaquettes Master System. Disons que c'était fait en 4 couleurs, donc quelque part, c'est beau. C'est vrai que lorsqu'on a les vieux jeux Master System avec ses carreaux donc blancs et un dessin totalement minimaliste et dégueulasse, je veux dire, même la jaquette du premier Megaman en face, elle est bien. Mais voyez ça autrement. Tu passes de l'Atari 2600 où tu as des jeux qui sont ultra pauvres graphiquement, mais qui ont des jaquettes magnifiques. Oui, alors totalement. C'est vrai que les jaquettes Atari 2600, elles envoyaient du rêve. Ah ouais, mais totalement. Bah ouais, c'était dessiné et tout. Petit easter egg rigolo, 90% des jaquettes donc, dont les jeux étaient sortis par Atari, le nom de l'artiste est caché dans le dessin. Amusez-vous à regarder. Il n'y a rien à gagner, bien sûr, si vous trouvez. Hein. Faites pas les cons. Oui. Pour toute notre estime. C'est vrai que le souci après de Sega, oui, c'est que, outre Alex Kidd in Miracle World, et des jeux comme Sonic ou les Wonder Boy qui ont marqué les gens, mais la Master System, il reste quoi comme jeu aujourd'hui ? Ben, pour ceux qui aiment la Master System, pour les gens comme nous qui avons beaucoup joué, plein, Psycho Fox, Spellcaster... À la limite, je dirais même une chose, c'est que la Master System, étant donné qu'il y a plein de gens qui sont trop familiers avec la NES, c'est une console ultra intéressante à collectionner. Tu trouves des jeux sans trop de problèmes, à part peut-être 15-20 titres, voire peut-être un peu plus, Beyond, il me dira après ce qu'il comprend. Voilà, et à des prix relativement corrects, voilà, cherchant bien. Voilà. La majorité du temps, ils peuvent être complets. Les jeux sont souvent complets, oui, grâce au mode plastique. Ou alors au pire il manque la notice, mais après bon. C'est très important pour le lore. Mais voilà, moi perso, c'est une console que j'aime bien. Je l'avais eu à l'époque à prêter genre un week-end. Et voilà, quand on te la prête un week-end, quand t'as 8 ans, tu fais l'échange contre ta NES et qu'on te prête California Games et World Cup Italia 80 machin. 90, t'as envie de détester la Master System parce que non, t'as envie de détester le mec qui te l'a prêté, c'est tout. Je vous ai mis sur le chat, sur le layout, la jaquette Afterburner pâle et la jaquette Afterburner Jap. Allez, si tu veux t'amuser, moi, rajoute Pro Wrestling aussi. Non, mais Pro Wrestling, je... Non, mais parce qu'en fait... juste pour... La jaquette d'Afterburner Jap, elle est magnifique, quoi. C'est une putain d'œuvre d'art. Pour moi, c'est l'exemple le plus flagrant de... Mais ces gars, qu'est-ce que vous avez foutu? C'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que autant l'adaptation de la jaquette du premier Megaman pouvait se comprendre parce qu'on essayait d'occidentaliser, de rendre ça plus proche pour le public américain des comics ou des trucs comme ça, on pouvait comprendre l'occidentalisation de la jaquette. Là, on comprend juste pas le but, en fait, du tout. À part rendre les choses enfantines, mais je vois même pas l'intérêt, en vrai. Et donc, enfin, moi, je sais qu'à l'époque, je jouais à la NES, chez, je crois que la plupart des amis que j'avais avaient une Master System, avaient une NES, pardon, sauf un seul. Et le jour où j'ai gagné une Master System 2, bah, sur le coup, j'étais content d'avoir un pote qui avait une Master System avec des jeux, comme ça, on pouvait s'échanger. Ah, bah oui, le bon plan. Après quelque part, si on dit sur niveau aussi un peu plus loin, cette guerre un peu puérile du « Ah, moi j'ai ça, moi j'ai ci, moi j'ai ça », on le retrouve aussi sur l'informatique à cette époque-là. Hein. Entre Amiga et l'Atari. Ouais, voire même avant, en fait, l'Amstrad, le Commodore 64, aux États-Unis, c'était la... 80, c'est plutôt ça, oui. Aux États-Unis, c'était plus la gamme Atari 8 bits contre Commodore 64, et en Angleterre, c'était plus le Spectrum contre le Commodore 64. Mais c'est vrai que les Anglais, ils font jamais rien comme tout le monde. Et ouais. Ce que tu dis, Mérovingien, c'est intéressant. Ouais, alors, de ce point de vue-là, c'est inattaquable. Autant la manette NES était fantastique, autant la manette Master System, c'est juste une plaie. C'est juste pas possible. Faut vraiment s'y habituer pour jouer, mais à certains jeux, c'était très, très. Mais le problème, c'est qu'elle est extrêmement fragile, ouais. Que l'espèce de croix de direction a tendance, les rebords ont tendance à casser. À partir du moment où un rebord est cassé, il suffit d'appuyer un peu fort dans une direction pour la faire sortir de son emplacement. Et quand ça commence à virer comme ça, c'est juste infernal. Le joystick pour gaucher. Ah oui, le joystick pour gaucher. Ah, ça, c'était fort, ça. Mais je voulais juste. La manette NES, quand même, moi, j'ai trouvé super anguleuse. Hein. Je sais plus à quoi ressemble mes manettes, Master System. Mais la manette NES, c'est grosso merdo la même chose avec une croix. Rectangulaire. C'est une croix rectangulaire, en fait. Et t'as pas Start et Select, voilà. Oui, parce que la manette est tout aussi anguleuse, donc en vrai, ça c'est. D'accord, ok. Donc c'est ex aequo sur ce point-là, et ok. Mais oui, par contre, le joystick pour gaucher, ça c'était vraiment. Enfin, du coup, les gauchers avaient leur joystick. Le joystick qui nous sortent du bouton du mauvais côté, on n'a jamais compris pourquoi. Non. Mais je suis persuadé d'une chose, que tu peux genre le recâbler, en fait, le truc. Bah, entièrement. Effectivement, et du coup, à l'époque, quand t'as 10 ans. Ouais, non. Quand je dis que j'en suis persuadé, je pense qu'on peut, j'ai jamais essayé. Je l'ai même pas d'ailleurs ce joystick parce qu'il m'intéresse pas, mais. Et on passe aussi la fabuleuse idée de design de Sega, donc qui sera jamais repris du bouton pour la console. Bien sûr. La meilleure idée du monde. Alors d'ailleurs, désolé. Un mode pour les manettes où tu peux mettre pause depuis la manette si genre tu perds pour mettre un petit bouton de poussoir, une connerie comme ça. Je sais pas si ça existe vraiment ou si c'est une chose dont on m'a parlé au pif. Je sais pas, mais par contre, ce que tu dis, Beyond, est presque inexact. C'est que maintenant, sur les NES Mini et SNES Mini, le bouton pour retourner sur le menu, il est sur la console. Ouais. Nintendo a repris une idée de Sega. C'est ça. On a la preuve. Et ils ont repris la meilleure idée de Sega. Nintendo va mourir. C'est vrai, maintenant que tu dis. Il n'y a que la Master System 2 de Bell. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, je vous confirme, effectivement, il existe bien un mode pour le Master System qui permet de mettre pause sur la manette. Mais il faut modifier sa manette, bien sûr. Mmh. Je ne suis pas d'accord avec toi, Fury. Méchant. Elle est très belle, la Master System. Et oui, alors, Fury, tu parles de ça. Je vais parler une petite anecdote rapidement. Donc, il faut savoir que sur la Sega Mark III, le fil de la manette n'est pas situé au même endroit que sur les manettes européennes. C'est-à-dire que le fil ne sort pas vers l'arrière de la manette, il sort sur le côté. Le côté, ouais. Oh, c'est comme cool, sur les premières pubs de Sega à l'époque, au Japon, donc les premières pubs à la télé, on voyait des gens tenir la manette, non pas à l'horizontale, mais à la verticale. Mmh. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Sur la pub Sega, les gens tiennent donc le fil qui est sur le côté vers le haut, avec la croix en bas, les boutons en haut, et ils tiennent la manette à la verticale. Ce qui est une étrangeté absolue quand on y pense aujourd'hui, mais à l'époque, tout restait inventé, donc j'allais dire. Mm-hmm. Ils ont peut-être trouvé ça logique. Et original aussi, tout le monde essayait de se démarquer un petit peu d'une manière ou d'une autre, forcément. Mais parlant de démarcation, il y a une autre très grosse démarcation hallucinante de Sega à l'époque sur Alex Kidd Miracle World, que nous, on n'a jamais connu directement, c'est que, juste pour le plaisir de ne pas faire comme Mario, lorsque Sega a sorti Alex Kidd Miracle World, ils ont inversé le bouton saut et le bouton frapper. Oui, voilà. Il n'y a que dans la version qu'on a, nous, dans les consoles en Europe, qu'ils ont remis les boutons comme il faut. Parce qu'en vrai, si un jour vous avez l'occasion de jouer à Alex Kidd Miracle World avec les deux boutons inversés, c'est juste pas possible. Et, mais je pense que dans la version cartouche, les boutons sont encore inversés. Oui, dans la version cartouche, ils sont inversés. Il n'y a que dans la version qu'il y a dans la console où les boutons ont été remis. Et ça, c'était juste pour le plaisir de faire différemment. Oui, c'était vraiment le but, c'était de se démarquer de Mario. D'accord. Et n'oubliez pas aussi que la manette avait un nom. Contrôle. Du coup, la manette Master System s'appelait le Control Pad. Ah oui, oui, oui. Il avait donné un nom. Et pas que Master System, il me semble aussi que pour la Mega Drive, il l'avait repris. Chaque console avait sa spécificité. La NES avait un adaptateur 4 joueurs que n'avait pas la Master System. Source Core. La Master System avait un module qui s'appelait le Rapid Fire Unit qui permettait d'avoir du tir automatique. Je l'ai sous blister ce truc. Je peux faire une parenthèse qui n'a pas trop grand chose à voir avec ce qu'on dit, mais tu parles de l'adaptateur 4 ports pour la NES. Oui. La fameuse console de chez Analog, la NT Mini, donc la NES, elle a l'adaptateur 4 ports intégré. Oui. Ok. Par contre, pour leur Super NES, ils ont pas repris le truc, le multitap à 3 ports ou autre là. C'est aussi pour ça qu'elle coûte moins cher. Voilà, parenthèse fermée. D'accord. Il y a moins de connectivité, d'accord. Ah, effectivement. Du coup, pour rebondir sur le Four Score, le Four Score était sympa, mais t'as pas masse de jeux qui sont compatibles avec. Oui, il y a peu de jeux compatibles, c'est vrai. Bomberman. Il y a une quinzaine, même pas. Je sais même pas si Bomberman. Mais encore, c'est pas Bomberman sur NES chez nous. Hein. C'est... Ah, comment il s'appelle ? Dina Blaster, merci. Et voilà, à la limite, le Four Score, il peut te servir pour générer un tir automatique. Parce qu'en fait, il y a une fonction auto-fire en fait, dessus, il me semble. Il y a une fonction de turbo dessus, oui. Les mêmes boutons que sur NES Advantage. Voilà. Donc, quelque part, si t'as pas envie de te taper une manette... Advantage. Comment il s'appelle le pad à la con je mets toujours le. Le NES Advantage, c'est le joystick, mais il y a un pad aussi. Oui, je sais toujours comment il s'appelle le pad. Enfin bref, donc du coup, si t'avais envie de te taper l'une de ces deux atrocités, bah voilà, tu branches le Four Score. Il y a 24 jeux compatibles avec le Four Score. Voilà. Et ce qu'il y a bien aussi avec le Four Score, c'est qu'il peut te permettre de prolonger aussi le fil. Donc tu peux encore te reculer d'un mètre ou deux. Je dis plus rien après. Enfin. On va dire j'en fais la pub. Un jeu cool compatible avec le Four Score, d'ailleurs, c'est le fameux Nightmare on Elm Street. Ouais, enfin, moi, j'aurais pas dit ça. C'est juste le 4 qui est bien marrant. Moi, j'aurais dit Spike V Ball, ouais. Jeu de volley, il me semble qu'il coûte très très bien. Et excellent et qui coûte que dalle. Je suis en train de vérifier s'il est bien compatible. Oui, il est compatible. Ok, ouais, c'est bien ce qui me semble. Il ne suit pas fou. Et Nintendo World Cup aussi était compatible, je crois, avec le Four Score. Oui. Ah, ouais. Oh, ça devait être démentiel, ça. Oui. je me souviens y avoir joué une fois à l'époque, quand j'avais été chez un pote qui avait ça. Ah, vas-y, rentre chez toi, va chercher ta manette et ramène ton jeu, le jeu de football. J'ai dit, ok, vas-y, pas de problème. Je me souviens avoir fait, c'était assez rigolo. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, c'est compliqué de dire... Bah, non, c'est pas compliqué. D'un point de vue global, mondial, il est évident que la NES et Nintendo ont explosé Sega. Mais en Europe, et en particulier en France, bah, ça n'a jamais été aussi évident que ça. Par contre, les choses vont un petit peu changer par la suite. Moi, je veux juste dire, sur Master System... il est où le Megaman ? C'est nul, Megaman. Voilà, nulle part. Donc la NES a gagné. J'ai une réponse, mais on est en direct. Donc la NES a gagné. Voilà. Next. Il y a eu une version que Game Gear de Megaman, malheureusement. C'est vrai. Vive là la version. La NES, il y avait Psycho Fox et Spellcaster. Non, la Master System avait Fox et Spellcaster, la Master System a gagné. Mais Megaman Game Gear a existé, oui les gens, si vous n'avez jamais joué à Megaman Game Gear, jouez-y. Une fois. Non, n'y jouez pas. Enfin, pourquoi vous voulez faire ça? c'est aussi sympa que de jouer à Mario World en fait à la version GBA. J'ai presque envie de dire c'est aussi sympa que Megaman sur Game Boy en fait. Ouais, t'as de la couleur. Là. C'est vrai que t'as de la couleur. C'est vrai. Et donc oui, Sega malgré tout au Japon ne baisse pas les bras et décide que. Il faut contre-attaquer par rapport à Nintendo et il décide d'en venir sur un terrain qui ne va jamais en fait arrêter d'occuper les médias depuis, le terrain de la puissance. Puisque le premier argument de Sega lorsque il sort sa Mega Drive, c'est la puissance. Le Blast Processing. La première console 16 bits. Et ouais. Donc. Sega pense qu'avec la Mega Drive, ils vont pouvoir rattraper le retard face à Nintendo et tout défoncer. Oui. Il y avait une pub. Il y avait une pub de Sega. Parce que là, à l'époque Super NES Sega, la guerre des consoles, c'était pas que les joueurs. Hein. C'était Sega et Nintendo qui littéralement se crachaient à la gueule. Hein. Il y avait une pub où justement Sega comparait Mario Kart à Sonic ou je sais plus quoi là. Et où en gros, bah, Mario Kart c'était lent, c'était pas beau. On voyait une télé attachée à une vieille voiture pourrie qui avançait tout lentement. Ouais. Et en fait, donc, il faut aussi se situer dans un contexte. Là, à l'époque, aux États-Unis, la pub comparative était permise. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ce qui était interdit en Europe. Il faut savoir qu'en Europe, on n'avait pas le droit de faire une pub en comparant son produit au produit de la concurrence. Ça, c'était totalement interdit. Je crois même que ça l'est encore, parce que je vois pas trop aujourd'hui ce genre de choses exister. Mais non, aussi, on en voit encore en ce moment, par exemple les publicités comparatives sur les prix avec Leclerc. Oui, justement, c'est devenu autorisé, en France en tout cas, il y a, je sais pas, 5 ou 6 ans peut-être, je sais plus. Ouais, mais uniquement, fait uniquement avec les hypermarchés, les concurrents entre eux le font assez peu en fait. On ne voit pas beaucoup entre concurrents directs. Et c'est vrai que. C'est pas trop dans le. Là, ils le font pas. Pas trop dans les mœurs, en fait, par chez nous. Voilà. Tandis qu'aux États-Unis, tous les gens qui ont suivi pendant toutes ces années, les années 80 et 90, par exemple, les pubs comparatifs Pepsi et Coca, se souviennent à quel point c'est vraiment ancré dans. Bah, quand t'as. Il y a une pub Pepsi qui est juste fabuleuse, avec le Père Noël qui est en vacances et qui, du coup, va s'acheter son Pepsi. Et le barman qui fait t'es sûr là? Et il fait ouais, bah il fait Coca c'est pour le pognon, mais en vrai quand j'ai soif je prends du Pepsi, t'es fou. Cette pub elle est juste merveilleuse quoi. Donc ouais. Et donc la réponse de Nintendo à Sega donc va pas se faire attendre beaucoup. Nintendo sort la Super Famicom au Japon et donc là on passe à la seconde partie de la guerre Sega-Nintendo, la guerre des 16 bits. Donc, comme on l'a dit, avec d'un côté une console qui va être vendue par Sega pour son agressivité, pour la maturité de ses jeux, la difficulté, donc, à la fois en Europe avec le punk Sega et le slogan Sega, c'est plus fort que toi. Maître Sega. Et d'ailleurs, Sega. Pour une anecdote qui n'a pas été citée beaucoup, en Angleterre, le slogan était totalement différent. C'était pour... je vais faire la traduction française. C'est pas Sega does what Nintendo don't. Non, en Angleterre, c'était pour être aussi bon, ça prend des années. Donc, it takes ages. Ages, c'est Sega à l'envers. Voilà, merci. Et donc, oui, aux États-Unis, Sega a attaqué Nintendo fortement, donc avec le slogan Genesis does what Nintendo don't. D'ailleurs, donc, littéralement, se traduit par la Genesis, donc la Mega Drive aux États-Unis, fait ce que Nintendo ne fait pas avec un super jeu de mots. Et c'était vraiment très agressif d'un point de vue violent. Il y avait surtout des pubs très tendancieux. Vous voulez un truc débile d'un point de vue très agressif? Je crois que c'est Commodore qui, pour le lancement, alors je me souviens plus si c'est du 64, du Commodore 64 GS ou de l'Amiga CD32 qui avait dit pour être aussi bon, ça a pris à Sega des années. Ils avaient mis ça sur une grande banderole en plein milieu de je ne sais plus quelle ville en Angleterre. Je pourrais essayer de vous retrouver exactement quelle console c'était. Je me souviens avoir vu ce truc il y a quelques années. Et c'était très drôle. Et donc, le truc, c'est que pour la Mega Drive, autant, encore une fois, le Sega fera jamais jeu égal avec Nintendo au Japon. Où le Japon, manifestement, n'a Dieu que pour la firme de Kyoto. Par contre, et encore une fois, c'est en Occident que les choses vont se passer de manière très différente. Avec, en particulier aux États-Unis, une guerre entre la Mega Drive et la Super Nintendo, où les machines feront presque jeu égal pendant des années. Oui. Et j'ai retrouvé, apparemment, c'était pour le poster vendu avec l'Amiga CD32, cette petite crotte de nez de Commodore à Sega. Les consoles Sega, évidemment, comme dit Fury, avaient le RGB, pour une meilleure qualité d'image. Et après, aux États-Unis, Sega a proposé quand même un des premiers services de téléchargement de jeux en ligne aux États-Unis, qui s'appelait... Comment ça s'appelait ? Sega Channel. Sega Channel. Voilà, où vous pouviez, grâce à un modem et une cartouche vierge, télécharger des jeux en... Bon, alors, c'est même pas en 56K, c'était en 33K, hein, c'est ça, c'était... C'était même avant le 56K. Et ce que Nintendo fera aussi au Japon, d'ailleurs, avec le Bandai Satellaview, mais qui ne sera jamais exporté en dehors du Japon, là où Sega attaquera le marché américain en premier sur le... Tout sur comme avec le disque système, d'ailleurs. Hein. C'est le truc qui ne sortira pas du Japon. Hein. Mm-hmm. C'est ça. Et donc, Sega... En Europe et aux États-Unis, était quand même très bien implanté. Moi, je me souviens à l'époque que la Mega Drive, ça me faisait vraiment rêver. J'avais un ami à moi, chanceux, qui l'avait avec Sonic. Alors, autant Altered Beast, bon, c'était bien, mais pas top. Autant Sonic, il était quand même sans zéro à ce qui se faisait et sur Master System et sur NES. Enfin, c'était waouh, quoi. Ouais. Je sais pas comment vous l'avez vécu, vous, cette époque-là. Moi, Sonic, je l'ai vécu chez mes cousins avec Sonic 2. Mm-hmm. Et je me disais... je sais plus ce que j'ai dû sortir. Mais j'avais dit... Putain, enfin, en gros, mais il est où le frein? Enfin, je sais plus comment j'ai sorti ça, mais... habitué à jouer à Mario, quand tu prends Sonic, tu fais... Oula, ça va vite quand même. C'est... Donc ouais clairement mais Sonic c'était tout, c'était le dynamisme du gameplay, les couleurs, les musiques, les animations, c'était la totale quoi. Alors après t'as toujours le débat, tu parles des musiques, le fameux débat, oh la méga pourri. Bon, faut aussi à un moment donné reprendre les choses dans son contexte. Quand tu sors une console avant tout le monde, tu bénéficies pas non plus de la meilleure technologie. Tu bénéficies de ce qui est disponible à ce moment-là. On est bien d'accord, surtout à cette époque-là. Donc, ouais. Ben, ces gars, ils font aussi avec ce qu'ils ont. Hein. Faut être honnête. Et quand tu compares à ce qui était dans l'Amiga, dans l'Atari ST, en fait, oui. T'as la même chose. Un peu de chose près. Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y avait déjà des comparatifs de consoles, tu sais, au moment de Noël, avec la sortie de la Mega Drive et tout ça. Et je me rappelle que les points forts dans les hors-série de console plus pour la Mega Drive, c'était justement la bande son. Elle était vraiment, vraiment très appréciée pour ça à l'époque. Ouais. Il y a beaucoup de jeux à Amiga et Atari qui se retrouveront sur Sega, là, c'est sur Sega Mega Drive. Ouais. Mais pour deux raisons, c'est qu'il je pense que il y avait un public un peu en commun, un public peut-être un peu plus mature on va dire que chez Nintendo, et aussi l'architecture en fait qui était grosso merdo la même en fait. Qui rendait les jeux la portabilité assez simple. Carrément, oui, c'était pas obligé de tout recoder depuis le début. Il faut pas oublier aussi si Sega s'en est bien sorti aux États-Unis et en Europe, c'est grâce à Tom Kalinske qui a fait le taf, qui était patron à l'époque de Sega of America et qui a pris une autre tournure. Et aller carrément à l'opposé de ce que voulaient les Japonais. C'est ça. Et il leur a dit non, je veux pas qu'on fasse ça, on va faire comme moi j'ai envie. Et en fait, il faut mettre Sonic dans le bundle. Voilà. Il a pété le marché, quoi. Il a vraiment fait le boulot qu'il fallait quand il. Et quand ils ont arrêté de l'écouter, bizarrement. Bon, on en parlera après, ça peut-être. t'as eu aussi un jeu, à mon avis, qui a été aussi le catalyseur aussi de tout ça, qui est Mortal Kombat. qui sort dans une version pas censurée sur Mega Drive, et dans la version Super Nintendo, t'as de la sueur au lieu du sang. Sur Mega Drive, le jeu était censuré. Pour le décensurer, il fallait juste utiliser un code sur le premier écran du jeu. Code qu'en vrai tout le monde connaissait à l'époque, hein, il circulait dans les magazines. C'était une vraie fausse censure du jeu. Voilà. Par contre, chez Nintendo, là, le premier Mortal Kombat, c'était pas de fatalité, pas de sang. Oh, ça devait être chiant! Pas de fatalité, t'es sérieux? Enfin, si, il y avait des fatalités, mais c'était des fatalités ridicules. Par exemple, bon, pour l'exemple plus frappant, c'est Sub-Zero. Sub-Zero sur Mega Drive, il a arraché la tête avec la colonne vertébrale. Sur Super Nintendo, il glaçait son adversaire et il cassait la glace. Oui, c'est sûr. Ça enlève 90% de l'intérêt du jeu. Il me semble que le finish de Johnny Cage, il est remplacé par juste un coup de pied en fait qui passe au travers du corps et c'est tout. C'est le truc de l'ennui. Mais c'est ça en fait, la Mega Drive, elle était vachement cataloguée jeu d'arcade, portage de jeux d'arcade quand même. C'est clair. Jeux matures et jeux de sport aussi énormément. Les jeux de sport. Ah oui, Electronic Arts, ça fait sa renommée. Ouais. Les John Madden là-bas et tout ça, ça cartonnait sur Mega Drive. N'oubliez jamais que le premier FIFA est venu sur Mega Drive. Oui, FIFA 94 est sorti sur Mega Drive. Tu veux rire, Rose Dick? Tu sais comment en fait Sega ont tenu un kit de développement pour la Mega Drive? Electronic Arts? Oui, et ben ils en ont créé un. Oui, ils en ont fait du retro engineering. Voilà, ils en ont créé un eux-mêmes. Ouais, parce qu'ils voulaient pas lâcher d'argent pour en avoir un. Exactement. C'est pour ça que les cartouches sont différentes. Voilà, exactement. Totalement. Et ça, c'est beau. Oui. C'est le mec qui dit ah, moi, je sens que j'ai intérêt à faire des trucs sur ta machine, mais tu vois, par contre, j'ai pas envie de te donner de l'argent. Voilà, non, mais. Et puis, tu vois, allez, je me débrouille. Allez, c'est bon. Allez, je vais me débrouiller, et puis ça va aller. Ça, ouais, non, mais Electronic Arts, déjà, ça va y faire. Je ne sais pas si les jeunes se rendent compte aujourd'hui, mais oui, FIFA est né sur Mega Drive, mais aussi NHL, mais aussi les jeux NBA voilà. Live. NBA Live, les John Madden. Les jeux John Madden, les jeux de golf également. Oui. Ouais. Beaucoup de jeux de sport. Et ça, aux États-Unis, c'était très porteur. Hein. Franchement, la Mega Drive avait cartonné avec ça. Oui, parce qu'ils ont su parler à un public. Ouais. Ils ont compris à qui s'adresser. Et c'était des bons jeux, hein. Franchement, c'était pas des bouses. Hein, c'était d'excellentes. Ouais. C'était bon. Tu t'amusais très bien. Après, pour ce qui est de FIFA, tu avais quand même, pour les jeux de foot, deux ou trois écoles. Tu avais le jeu pseudo-réaliste, le jeu je fais ce que je veux, et tu avais Sensible Soccer à côté. Quoi. Oui, Sensible Soccer, tu avais plus dans, on va dire, l'entraîneur, le manager. Parce que voilà, et du coup. Et quand tu vois la variété qu'on avait même dans les jeux de sport et ce qu'on a maintenant, Il y a eu aussi énormément de titres isolés de sport sur Master System. On se souvient des Pete Sampras Tennis. Ah oui. Avec l'adaptateur A4 sur la cartouche. Voilà. Par Codemasters. Il y avait les Micro Machines. Ouais, Micro Machines, ouais, où tu avais l'adaptateur aussi. Ouais. Des jeux de boxe comme Joe Foreman Boxing. Oh non. Evander Holyfield. Oh. Je suis sur la digestion et vous me parlez de ces deux jeux. Non, on sait que tu avais des jeux de boxe, monsieur Chou, c'est pour te faire plaisir. Il y avait des jeux de basket, les jeux de basket, donc tout ce qui est Bulls versus Blazers et tout ça, qui était un peu tous la même série. À côté de ça, il y avait d'autres jeux comme David Robinson, qui était vachement bien. Il y avait de la concurrence, et dans la concurrence, il y avait des bons jeux chez tout le monde. Ouais. Et parmi les jeux que tu as d'un côté et de l'autre, tu as NBA Jam que moi je trouve bien meilleur sur Mega Drive que sur Super Nintendo. J'arrive pas à jouer à la version SNES, elle me rend dingue. Ouais. Et ouais. Il y a plein de jeux, ça arrive à plusieurs personnes, ce genre de trucs. Par contre, la version Mega Drive de FIFA était meilleure que la version Super Nintendo. FIFA 94, oui. FIFA 94, rien qu'au niveau du son. A vraiment été programmé sur Mega Drive. Au niveau du son, le public était tellement réaliste pour l'époque sur Mega Drive, alors. Sur Nintendo, c'était juste des nappes avec des trucs qui variaient. Il y avait les flashbacks aussi, ça me donnait cette impression-là aussi. Je préférais jouer sur Mega Drive. Oui, parce que pareil, flashback était pour Mega Drive. A été développé pour Mega Drive. Et ça se voit quand on y joue. La première licence, je crois que c'est la version Amiga qui est sortie d'abord, mais le jeu a été développé au départ. Oui, et d'abord commencé sur Mega Drive, avant la version Amiga. Et Bon, bon, parce que là, c'est pas tout, ça m'en dit trop bien de Sega, mais... Ah ouais, j'allais dire, ça parle pas de Nintendo, là. Il y a eu l'autre quota, là. Mais je pense qu'au début de l'émission, il y en a qui sont partis. Hein. On dit, on parle trop bien de Sega. Il y a, non, mais il y avait des arguments en face chez Nintendo, quand même, qui faisaient mieux. Le Scope 6. Le premier... Oh non, attends, Sega avait son menaceur aussi. Je suis désolé. Alors là, je m'insurge. Le menaceur, il demandait pas 6 piles et puis de mettre un capteur face à la lune. Hein, le Nintendo Scope 6 est le meilleur accessoire pour prendre la poussière. Jamais oui. Sorti, toute console confondue. Un putain de bazooka où tu tires sur ton écran, où tu peux taper aussi bien des missiles, des vaisseaux extraterrestres, des taupes, des blocs de Tetris, des robots géants. Tu as jamais fait mieux, ça n'existe pas. Voilà. Alors moi je vais te dire, tu dis du caca. Non. Le trigger du bazooka, il est même pas sur une espèce de gâchette, il est par au-dessus. Du coup, bah, des jeux où tu dois appuyer rapidement sur le bouton, bah, tu peux pas. Si tu peux, il faut savoir jouer, ça s'appelle le skill. Voilà. À la moment. Je sais pas combien de temps j'ai joué à ces jeux. Je pense que j'ai dû, à moi tout seul, porter toute l'industrie de la pile. C'est les années où j'ai eu ce truc. J'adore. Varta, en fait, l'entreprise Varta, elle a perduré grâce à toi. En fait. Ah ouais, non, mais totalement. C'est... Le Super Scope avait pas énormément de jeux compatibles, mais il y avait des trucs bien. Il y avait notamment, donc, comme tu as dit, Battle Clash et sa suite. Metal Combat, c'est ça? Où donc tu tirais sur des mechas. Ouais. Mais on dirait pas, mais ces jeux, ils sont vachement bien. Mais ouais, ils sont super jolis. Je les trouve super beaux. Oui, il y avait le fabuleux, et là, ça y est, je sens Pell, il va être content, il va dire, ah, tu l'as toujours pas, hein. Le fantastique Yoshi's Safari. Yoshi's Safari, et oui. Je l'ai pas, j'ai jamais joué à celui-là. Est-ce que tu l'as vu, non? Non, je l'ai pas. Mais le problème, c'est que c'est vrai qu'en dehors de ça, voilà. Mais là, en vrai, les 6 jeux de démo sont vraiment sympas. Moi, bah, j'avais que ceux-là à l'époque. Les jeux de démo, bah oui. Je passais beaucoup de temps sur le Mall Patrol, là où fallait. C'était un espèce de. Bah, vous savez, le. Guacamole. Ouais, voilà. Mais avec un bazooka. En fait, c'était ça qui me faisait marrer. C'était des petits jeux, t'avais un petit Tetris, t'avais le Guacamole, t'avais. Voilà. Mais avec un putain de bazooka. Vous savez que j'avais entendu guacamole et je comprenais pas. Voilà. Non, guacamole, là, le tap-top. Oui, j'ai compris. Qui d'ailleurs fera son apparition dans Je Samba des Amigos avec justement le jeu de mots guacamole. Voilà. Oui, bah, forcément. Une autre histoire. Mais je pensais pas du tout à ça comme argument de Super Nintendo. Attendez, vous savez, on peut dire aussi qu'il y a eu un T2, un The Arcade Game. Oui. Le Super Scope. Un Terminator 2. Voilà. Tu parlais du mode 7. Voilà, je pensais en particulier, une anecdote personnelle, le premier jeu qui m'a fait vraiment de l'effet sur Super Nintendo à l'époque, c'est F-Zero. Et F-Zero est un des jeux de lancement en Europe. Ouais. Moi, c'en est un autre et j'en parlerai après. Mais moi, F-Zero, moi, pour moi, putain, ça déchirait. Mais vraiment, genre, c'était fou, quoi. Ouais, mais c'est injouable. Non, c'est pas vrai. Ah non ? Oh la vache ! Ah non, c'est pas injouable. Non. C'est difficile à appréhender quand t'es pas habitué. Effectivement, parce que le mode 7, faut s'y habituer. C'est... Je crois que tu peux jouer aussi qu'à 1. Enfin bref, c'est un jeu qui est pas... Ah, par contre, ouais, t'as pas de mode multi. Ça, oui. C'est intolérable, quoi. Mais je pense que, honnêtement, un mode multi sur F-Zero, la console, elle aurait explosé. Oui. Je veux dire, le jeu, il avait quand même dans la transition des tracks, il y avait déjà des tremplers à l'époque, et tremplers, c'était un truc dingue, quoi. Enfin, c'était... Mais moi, j'étais là-devant, j'étais où Et je crois qu'il existait le mode multi sur cette LA View, c'est avec la suite de F-Zero. Il me semble qu'il y en avait... F-Zero 2, je sais pas si F-Zero 2 avait bonne question. Ouais. Enfin, bref. Mais je le trouvais super jouable, justement. Je le trouvais même facile que les épisodes suivants, hein, déjà. Moi, je suis pas un grand fanat des jeux de course parce que je suis pas très bon. Et c'est, pour moi, c'est un jeu qui est difficile à jouer. Mais je dois admettre qu'il est rigolo. C'est quand même un jeu. BS F-Zero 2 se jouait seul. Comme le premier. Rien que le fait, en fait, de. Ah, c'est à partir de celui-là. Ah, je sais plus. détruire ses adversaires. Tu pouvais le faire déjà dans celui-là. Oui, bien ouais. sûr. Oui. Et rien que ça, moi, je trouvais ça fantastique, en fait. Le fait moi, de, ok, moi, ce que je trouve, enfin, ouais. moi, ce que okay, je vais... c'est de se remettre de la vie. La façon comment t'avais de te remettre de la vie et tout, comment oui, ça... Oui, oui, c'est vrai. Ça faisait... En plus, ça faisait un bruit très, très SF. C'est vraiment particulier. Après, on parle de bruitage, mais on peut pas oublier aussi les musiques de F-Zero qui sont restées maintenant des musiques. Ah, les musiques, sont, c'est, ceux du premier sont les meilleurs, à mon sens. Voilà, quoi. Mute City. Mute City. Big, Big Blue. Et donc, c'est quoi le jeu, toi, Buzzdick, qui t'a marqué? Super à l'Est. Ça reste un shoot them up de compile. Mmh. Distorsion, rotation, musique de folie. Ça reste mon shoot them up préféré, toute machine confondue. Hey, je suis en train de remarquer un truc. À cette époque-là, quand un jeu il sortait sur Super NES, il fallait toujours qu'il y ait Super dedans. Bien sûr. Et, bien sûr. Non, non, mais hey, je suis en train de remarquer que... Sur 64, c'était pareil. Oui, hein. non, mais je suis en train de remarquer qu'en fait, maintenant, quand un jeu il sort sur PS4 ou Xbox, il y a HD dedans. Oui. Alors, par contre, c'est un vrai détail. On va parler collection. Le jour où vous prévoyez, par exemple, de classer vos jeux Super Nintendo par ordre alphabétique... ouais. Et dans les bibles... De moi, j'ai fait une sous-catégorie Super. Bah, sur mes Everdrive, il y a des mecs qui font des packs pour les Everdrive. Et donc, ils classent les jeux par ordre alphabétique. Donc, tu as de A à J, de J à P, non, de J à R, et tu as S... Et puis tu as après T à Z. Enfin, c'est... super, super, super, super. Mais vous savez qu'on a oublié quelque chose à propos de la Super Nintendo, hein. Mmh. Une certaine cassette. Ah ouais. Vidéo. Ah, la cassette vidéo qui te vendait les mérites de la Super Nintendo. Ouais, c'est vrai. Alors... Ils avaient pas de cassette, Sega. Sega a sorti des cassettes présentation plus tard. Lorsque le Mega CD et la 32X ont été là, Sega a commencé à sortir sur les cassettes promotionnelles. D'accord. Pour montrer les jeux, mais pas à la sortie de la Mega Drive. Non, le coup de la cassette vidéo promotionnelle, c'est un superbe coup marketing de Nintendo. Totalement. Ah là, ouais. il nous a tous marqué, on s'en rappelle tous encore. Ah ouais, clairement. Tous les gens de cette époque qui l'ont eu, s'en rappellent automatiquement. Ah bah oui. Moi, je fais partie. Parce qu'on la regardait aussi tout le temps. Chaque fois qu'on arrive dans le bon niveau du monde 3 de Super Mario World, j'entends il fait le Super Mario. C'est magique. Ah ouais, non, mais là, c'est vrai que cette cassette là. Alors évidemment Zelda, c'est juste le début du commencement. en parlant de ces magiques et de vidéos comme ça, je vous ai exhumé tout à l'heure sur le Discord une vidéo de présentation de la PlayStation par Bruno Salomon. Oh putain. Ah, ça doit si, pas être triste, j'ai foutu la vidéo sur Discord, ça en vaut du pâté. Moi je dis rien, moi, mais avant de te coucher ce soir, regarde là. Ça doit pas être triste. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, j'avoue. Mais Bosdy, quand tu disais que c'était le jeu qui t'avait marqué au lancement, c'était Super à l'Est. Le lancement, oui, la Super à l'Est, c'était le premier. Oui, elle était dans Super à l'Est, était dans la cassette vidéo. C'était dans la cassette vidéo, ouais. En plus. Ah oui, d'accord, ok. Et c'est ce jeu qui m'a retourné le cerveau. Pour ceux qui veulent voir, je link sur le chat ta vidéo YouTube. Et même encore maintenant, je joue au jeu, j'ai toujours impressionné parce que le jeu, il est... J'aime beaucoup Super LST, vraiment. Il a un rythme très posé pour un shoot'em up. C'est pas du tout un shoot'em up qui va vachement vite, qui va vous arracher la gueule, tout ça, il est très calme. Il y a beaucoup de niveaux, le jeu est assez long. Et il est vraiment dur. Il est relativement faisable en normal. Et c'est un des rares jeux qui a 5 niveaux de difficulté, mais normal, c'est le plus bas. Et voilà. Il est magnifique. Effectivement, quand on parlait de rotation, de zoom, il montrait tout ce que la console pouvait faire. Oui, tout. Tout. C'était magnifique. Voilà. Super Castlevania 4, il était bien fourni en effets spéciaux aussi. Oui, mais moi. Chaque niveau Super à l'Est... Oui, Castlevania 4 distillait ses effets, oui. Et Super Castlevania 4 montrait même juste par endroit que des fois, bon, c'était peut-être pas une bonne idée, tout le monde se souvient du rouleau avec les plateformes qui tombent. Ouais, voilà, ou le décor en arrière-plan qui dit bizarre, qui sort d'ondules et tout. Il y avait des effets comme ça Super à l'Est, c'est quasiment tous les niveaux où t'en prends tout. Et l'autre shoot'em up justement qui montrait beaucoup les capacités de la Super Nintendo à l'époque, c'est Axelay. Ah oui, actuellement. Oui, qui est sorti un peu plus tard de Konami. C'est ouais. Que j'adorais, qui donc la moitié niveau est en mode 7 et l'autre moitié des niveaux est un scrolling horizontal. Horizontal, oui. Avec des musiques et des graphismes de folie. Bon, la partie en mode 7 est difficile à appréhender. Et je trouve, pour y jouer régulièrement, je trouve Axe Soleil encore plus difficile que Super LST. Il l'est. Il l'est. Mais il l'est déjà rien que pour la partie en mode 7, parce que oui, en mode 7, elle est. Je l'ai pas trouvé très dur, moi. Alors moi, je le trouvais assez agréable à jouer, c'est vrai. Agréable, mais, oui. Mais je le trouvais pas cohérent, justement, avec ces deux jouabilités, quoi. Tu vois, c'est. Moi, ça me gênait. C'est marrant, par contre, vous parlez tous de Shoot'em Up, mais finalement, sur Super NES, enfin, les Shoot'em Up de la Mega Drive, ils n'étaient pas globalement beaucoup plus vénères et nerveux que ceux de la Super NES, quand même. Ah, si, bah, carrément, complètement. Les Thunder Force, les Hellfire, et même Moucha, le Moucha à l'Est. Moucha à l'Est, qui est de la même famille que Super à l'Est. Ouais, c'est contre ouais. Ah, mais il lui met 100-0 à Super à l'Est, hein, honnêtement. Alors là, moi, je dis non, mais parce que c'est une question. Ressenti. Pour avoir joué aux deux, effectivement, moi je prends Super à l'Est. Pas dire qu'il est 100-0 parce que moi Super à l'Est, je l'aime d'amour, mais ça se défend. Ça se défend. Après, Moucha à l'Est est une merveille. Ah ouais. Et puis oui, je veux dire, même en rien qu'en point de vue quantité, je veux dire, la meilleure, elle était quand même beaucoup, beaucoup plus fournie. Hein. Ça, c'est évident. Sur Super Nintendo, on a eu beaucoup de shoot'em up, mais il y en a beaucoup qui sont passés à la trappe. Il y a des Super EDF, il y avait Phalanx, il y avait. Ah ouais, non, mais. Ouais, mais sur Mega Drive, en quantité, j'ai vu les listes, c'est le double. Hein. Je veux dire, t'as les Ginook, t'as les Felios, t'as. Oui, non, enfin, mais c'est... après, faut être honnête, on parlait moins de shoot sur Super Nintendo. Ah ouais, clairement. Beaucoup moins, parce qu'ils étaient écrasés, comme on le sait vraiment, d'autres jeux. Mais le. Oui, ouais. Oui. Ouais. Sur Super NES, moi, il y a un jeu. Voilà, c'est ma première console, tout ça, donc de toute façon, je suis pas objectif. Hein. Mais il y a un jeu. Donc, un de mes premiers jeux, ça a été la compile Mario. On en a déjà parlé la semaine dernière, on revient pas dessus. Par contre, un jeu où j'ai compris finalement l'importance peut-être de la mise en scène dans un jeu vidéo. Non, mais vous allez. J'ai joué à. Donc, ça s'appelait Super Protector, puisque j'ai joué à la version européenne. Et ma mâchoire, elle s'est décrochée, mais littéralement. C'est-à-dire que le jeu, il t'en met plein la gueule. Il met en scène comme ça. Le premier monde, t'arrives, tu des trucs, tu comprends pas pourquoi, tu t'en fous, tu tires, ça explose partout, c'est génial. À un moment, t'as un avion qui arrive en arrière-plan, il lâche des bombes sur ta tronche, le sol il s'enflamme, là tu dois du coup essayer d'éviter les flammes, tu y parviens, t'arrives au bout du niveau, il y a un mur, là il y a un gros monstre énorme qui défonce le mur et qui commence à t'en mettre plein la gueule. Et putain, ça s'arrête jamais ce jeu, et pour moi, en termes juste de mise en scène et d'action, c'est un truc de fou, Super Protector, un truc de malade. Contra 3 est un des premiers jeux de la console. Ouais. C'est pas comme s'ils avaient eu des années à apprendre le hardware. Non, c'est vraiment le paquet dès le début. Quoi. Ah ouais, ils ont tout mis. Pour moi, le niveau 4 de Contra 3, c'est peut-être mon niveau de jeu d'action préféré, tout temps confondu, toute machine confondue, tout confondu quoi. Truc de malade. Enfin, tu commences en moto, tu détruis un vaisseau spatial, tu chevauches des missiles, un hélicoptère. Le truc, tu sais pas ce qui t'arrive dans la gueule, mais c'est juste fou. Et là où je voudrais en venir, c'est que voilà, ça c'était ma première claque. Donc dans ma tête, ce sera toujours le meilleur Contra. Mais en vrai, je trouve que le Contra de la Mega Drive, eh ben, il est deux fois plus vénère et deux fois plus impressionnant. Bah, il est deux fois plus bourré d'effets spéciaux déjà. Ah ouais. Ah non, mais objectivement. Konami à l'époque, ils ont mis les bouchées doubles pour pouvoir faire du mode 7 sur la Mega Drive. Ah ouais. C'est des trucs de malade qu'ils ont fait sur Mega Drive. Bon, je vais en profiter pour faire une blague à Boss Dick. Le meilleur contrat, c'est le contrat de confiance. C'est l'artiste. Voilà, merci. C'est là les fêtes. Caps, on reviendra plus tard sur ce que t'as dit sur la Super. Ouais, mais vraiment, du coup, là pour la guerre, voilà, Nintendo Sega. Pour moi, mon préféré, c'est Contra 3, mais c'est de la pure nostalgie. Mais je pense que par contre, c'est le Super Protector, le Contra Hard Corps, qui est meilleur et qui est malheureusement beaucoup moins connu, je trouve. Alors, beaucoup plus cher. Aussi, oui. Mais par contre, voilà, il est comme tu dis, il est tellement vénère. Oui. Il a, ne serait-ce que dans ses thèmes musicaux. Juste, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vrai. Après, oui, c'est une merveille. Techniquement, le jeu... Il est fou, hein. Mais sur les, par contre, sur les deux supports, hein, je trouve que techniquement, le jeu est ultra solide. Bon, alors, il y a les niveaux mode 7 sur Super NES. Là, j'ai envie de dire faute, erreur. C'est dégueulasse. C'est pas les meilleures choses. Ouais. Je suis d'accord. Mais les autres niveaux, pff, laisse tomber. Je... Voilà. Il y a, mais en fait, vous remarquerez, il y avait le bon et le mauvais mode 7. Hein, c'était comme avec les chasseurs. En fait. Ah ouais. Mais totalement. Non, mais tu dis ça sur le temps de blague, mais c'est tout à fait vrai. Hein. Et là, Konami, quand ils ont décidé d'utiliser le mode 7, Alors, je veux dire, peut-être une blague, mais qu'on n'est peut-être pas une. C'est pas Nintendo qui a mis dans le cahier des charges votre premier jeu, là, vous mettez du mode 7. J'en ai rien peut-être. À foutre de comment. Non, mais vous peut-être, mettez. Peut-être bien. C'est possible, mais bon, ils savaient pas comment l'utiliser. La Mega Drive, elle était. Enfin, je veux dire, quand il... les jeux de Treasure de la Mega Drive sont des tueries. Parce qu'ils savaient programmer. Ne parle pas de Dynamite Eddy, je vais devenir fou encore. Il fallait être un bon programmeur. Un bon programmeur pouvait faire des Mega Drive. Mais carrément, mais quand tu vois, de toute façon, c'est bien les Dynamite Eddy, les Gunstar et les Alien Soldier, mais franchement, mais je sais pas s'il y a l'équivalent sur Super NES. C'est des jeux qui sont arrivés un peu plus tard sur Mega Drive, qui faisaient qu'enfoncer la différence entre les deux consoles. D'un côté, on avait des jeux super nerveux et bourrins et qui pétaient de partout, et de l'autre, une Super Nintendo qui s'est imposée avec des jeux de plateforme calmes, comme les Mario. Non, je suis pas d'accord. Ou des jeux d'aventure. RPG. Comme Caps le disait aussi, sur Super Famicom, là pour le coup, on a eu le premier RPG avec une chanson à l'intérieur. Star Ocean, c'est ça? Non, c'était Tales of Phantasia. Ah bah oui, je suis con. Tales of Phantasia, qui pour le coup avait une véritable chanson qu'on pressait. Après aussi, vous oubliez un facteur. Certes, Mortal Kombat fait vendre de la Mega Drive, mais la Super Nintendo, c'est aussi Street Fighter à cause du pad 6 boutons. On en est arrivé après. Voilà, donc c'est encore après. On a du temps, on peut. Voilà, un des vecteurs qui a fait s'imposer la Super Nintendo face à la Mega Drive, oui, c'est l'adaptation de Street Fighter 2 de Capcom. Ah ouais. Et le fait que Capcom mette beaucoup de soin dans son adaptation. Et que Nintendo leur fasse confiance au point de leur confier donc des packs, puisqu'il n'y a eu pas mais il y a eu de nombreux packs avec Street Fighter en Europe. Ouais. Bah clairement, et Street Fighter, j'en parlais hier, c'était hier ou je ne sais plus, enfin dans un stream, et clairement, Street Fighter, même Street Fighter 2, c'est un jeu, je crois, enfin, je connais personne de mon âge qui n'y a pas joué en fait. Mais en fait, c'est rigolo. C'est un truc de fou. Tu peux voir ça d'une autre façon. Autant, chaque Street Fighter 2, tout le monde aime bien le jeu. Mais à partir en fait de Alpha, la série des Street 3, des EX, des 4 et 5 machin, t'as toujours là à partir de ce après le 2, t'as toujours des gens qui vont dire j'ai pas aimé cet épisode. Oui. Alors que c'est unanime, tout le monde aime bien le 2, voilà. Oui, parce que le 2 a inventé tellement de choses. Après, pour les plus jeunes d'entre nous le 2, on y jouait en arcade. On était obligé de mettre des pièces tout le temps. Vous pouvez pas jouer comme on voulait. Dans l'absolu, Nintendo, ça a été la gifle. Il n'y a pas de mauvaise version de Street Fighter 2. La version Mega Drive souffre au niveau des digits vocales. Et de la maniabilité aussi. Non. Ouais, si tu joues avec le pad 6 boutons. Joues avec le pad 6 boutons, mais si non, tu l'as pas et que tu joues avec le pad 6 boutons. C'est ça le truc, c'est que justement, c'est là qu'on voit justement à quel point Street Fighter 2 s'est imposé sur le marché, c'est que Sega a été obligé de sortir un pad 6 boutons. Oui, ouais, parce que Street Fighter 2 a imposé un standard. Là, t'as tout compris. Oui. Street Fighter 2, que ce soit la version Mega Drive, Super Nintendo, ou même la version PC Engine, il n'y a pas de mauvaise version. La version PC Engine était vachement. Bon, je ne parle pas de la version Game Boy exprès, mais. Ouf. Pour la machine, elle était relativement correcte. C'est ce qu'il faut se dire. Oui, voilà. Après, tout être humain normalement constitué, personne s'est dit je vais jouer à Street 2 sur Game Boy. Non. Voilà. Personne. C'est tout. Mortal Kombat non plus. Hein. Oui, exactement. Parce qu'il y a du sens sur la Game Boy. Après, il y a Cap qui nous dit qu'il y a eu trop de versions de Street Fighter 2. Non. Capcom a fait ce qu'ils savent faire. Hein. À l'époque. Il y en avait encore trop. Maintenant, c'est différent, mais à l'époque... Le problème, c'est qu'à l'époque, voilà, tu avais ton jeu, il était joué par beaucoup de gens, et les gens faisaient des retours. Ils disaient, ouais, là, ce truc-là, c'est trop craqué, ce truc-là, c'est injouable, machin. On veut pouvoir jouer avec les boss. Voilà. Street Fighter 2 prime. Et du coup, bah, Capcom, il fallait qu'il... Ils voulaient mettre à jour leur jeu, ils voulaient le faire vivre, ils voulaient que les gens vraiment aient envie d'y jouer. Donc, ça n'existait pas les mises à jour. Donc, on sortait une nouvelle version. Après, ouais, mais il y a eu une histoire particulière avec la version Turbo. Hein. C'était pour contrer les hacks arcade. Hein, oui, aussi. Ah, oui aussi, ouais, d'accord. À l'origine, le Turbo, c'est pour ça qu'il est sorti. C'était et à pourtant, cause... et le Turbo est un épisode relativement bon, en plus. Il est excellent. Vraiment très très bon. D'accord. Je ne connaissais pas cette anecdote-là. Après, attention. Et même que le producteur de l'époque était complètement contre, et c'est le Nintendo of America qui ont dit, mais non, arrêtez les conneries, là, il faut sortir une version Turbo, parce que les gens, ils ne jouent qu'à leur version hackée en arcade. Ils étaient en train de polluer les salles d'arcade. Et quand Turbo est arrivé, ben voilà, Capcom a dû reprendre la main sur le jeu, mais le producteur, il a décidé de se mettre de côté, il était super déçu, il ne voulait pas qu'on touche... au jeu. Après, tu vois, parce qu'effectivement, quand tu vois Super Street 2, tu vois la différence. Les hacks consistaient en plusieurs points. Déjà, oui, donc, outre la vitesse qui était considérablement accélérée, les hacks proposaient aussi des coups de spéciaux supplémentaires. On a vu des hacks, on pouvait tirer des boules de feu en l'air et trucs comme ça. Et puis Shani, qui pouvait tirer des Hadoken et tout, alors qu'elle le faisait pas et tout, et ben ça, les gens, ils. Oui, et après, vous savez que. Ils reprendront dans Super Street Fighter 2 avec son kick au pied. Vous savez que Shani qui tire des Hadoken, moi j'avais Street Fighter 2 sur Super NES, j'y jouais avec mes cousins, et mes cousins, ils me disaient, il faut que tu trouves la manip parce qu'elle peut tirer des boules de feu. Oui, non mais c'est comme l'époque où on te disait que tu pouvais rencontrer Shenlong, qui ils ont d'ailleurs fait un 1er avril dessus en disant comment le débloquer. Ouais, non mais je veux dire, mais sauf que eux, ils avaient vraiment vu ça, ils avaient vraiment vu Shani tirer des boules de feu, donc ils me disaient, faut que tu trouves comment faire et tout. Puis bah, je cherche ton manuel, je cherche partout. Je fais, mais je trouve pas, qu'est-ce qu'il me raconte? Ça n'existe pas. Et putain, en fait, non, c'était dans une autre version de Street Fighter 2 à laquelle ils avaient joué aussi, mais. Le Super Street Fighter 2, quoi. Ouais, voilà, mais moi j'avais que la version de base. Hein. Excusez-moi, les cousins. Puisqu'on parle rapidement de Versus Fighting, je vais juste faire un petit point Bubsy rapide. Le point Bubsy, pour expliquer aux gens, c'est le principe que à l'époque on vous a vendu un jeu en disant qu'il était bien, mais ça a toujours été de la chiasse, réveillez-vous. C'est juste pour dire que surtout les gens, non, parce que j'entends des gens dire ça depuis des années, j'en peux plus. Eternal Champions sur Mega Drive, c'est de la merde. Oui, je confirme. Eternal Champions, c'est de la merde. Eternal Champion, c'est de la merde. Oui. Notre ami Urgurich est en train de faire une syncope là, Guillaume. Non, j'entends toujours des gens. Urgurich, il aimait beaucoup son album Panini, Eternal Champion. Voilà. Le jeu, il aime bien. C'est hallucinant, je veux dire, les gens à l'époque disaient ouais, mais il est pas si mal par rapport à Street Fighter 2. Non, il est à des années-lumière. Ils ont essayé, c'est comme Rise of the Robot, c'est de la. Non, pas Rise of the Robot. Pitié. Vous savez, on parle de jeux de combat, mais on pourrait aussi parler des Beat'em All. Promis, un jour, Beast... on parlerait de Rise of the Robot et je tuerai le game. Beast Wrestler ou Beast Warriors, je ne dirais que ça. Ceux qui quand savent. Tu dis ça comme ça, tu me fais peur. Et moi, je me rappelle de ce que c'est. Ceux qui savent Sapin, souffriront. Sapin l'a fait. C'est alors traumatisé. Pour ceux qui savent pas. Moi, j'y ai joué à l'époque. C'est le jeu le plus nul auquel j'ai joué. En fait, tout simplement, j'ai pas d'autres mots pour le décrire. Beast Warriors est le jeu le plus nul auquel j'ai joué de toute ma vie. Voilà. Et pourtant, j'en ai fait de la merde. Hein. Mais celui-là, j'ai pas trouvé. Et il est sorti sur Mega Drive. Voilà. Mais après, comme je vois Caps qui parle de certains Beat'em All, effectivement, on peut parler des Beat'em All propres console. Parce que pour le coup, la Mega Drive. La Mega Drive avait De quoi faire. Voilà, avec très bon Beat'em All. Bon, le Streets of Rage en tête, bien sûr. Voilà, Yuzo Koshiro en tête. Mais la Super Nintendo avait des Beat'em All qui étaient bons, mais qui avaient tendance à être un peu mou du gnou, si j'ose dire. Amputé. On se souvient de Final Fight. Totalement. On se souvient aussi de Rival Turf, qui n'était pas fantastique. Sonic Plasman, qui était un peu mou du genou. Captain Commando. le Captain Commando ou le Super Double Dragon, aussi, qui a pas un rythme effréné, quoi. Je l'aimais bien, le Super Double Dragon, parce que tu pouvais contrer les coups. C'est le moment, c'est le moment où je parle de... C'est le moment où je parle de Tortue Ninja, là, ou comment, comment se passe, là? Vas-y, vas-y. Bah non, parce que, bon, par contre... alors, pour moi, quand je pense Beat'em All sur console 16 bits, c'est tout de suite la Mega Drive qui vient en tête. Avec, on l'a dit, Street of Rage, enfin, il y a énormément de jeux qui sont très bons. Mais par contre, en vrai, mon Beat'em All préféré de cette époque-là, ça reste quand même Tortue Ninja 4, enfin Turtles in Time. Je crois que nous sommes victimes de quelque chose d'inédit en direct live, les amis. Ah. Un raid. Ah. Ah, bah coucou Oxydor Réduction. Et ses viewers. Bonjour, ah, ouais, les gens, bonjour les gens du chat. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est, là, c'est ça la nouvelle fonctionnalité raid de Twitch. Je connaissais pas. Bah, hey, du coup, on voit des gens. Nous sommes officiellement raidés. C'est voilà. Une première. C'est terrible. Mais alors, cette fonction raid, elle fait pas faire un message à tout le monde, là? Ben non. C'est quoi ces raids tout le monde, là, où il n'y a pas de... de message de raid? C'est terrible. Ah, si, quand même. Si, là-bas. Ah bah merci, voilà, n'oublie pas de sauvegarder, bah oui. Ça va, c'est à toi je pense. Donc on en était où on était en train de parler des... Mais coucou les gens. Des Beat'em All de la Super Nintendo et Moa a sorti l'argument Turtles in Time. Bah oui, et un argument incontrable, inattaquable. Oui mais... Hyperstone Ace n'est pas un mauvais Beat'em All non plus. Non, non, non, non. Il a même un meilleur gameplay en fait quand tu regardes bien. Oui, mais il a pas le zoom quand tu jettes les personnes. Non, mais ouais. Attendez, Turtles in Time, déjà, là, par contre, on va... Il y a des petits niveaux supplémentaires qui étaient vraiment jolis. Hein. Ouais. Comment tu fais pour courir dans Turtles in Time? Tu fais deux... comme les... bah, par contre, ça, c'est un truc que j'aime pas, il faut appuyer deux fois sur la direction. Voilà. Ça, j'aime pas. Ça, j'avoue, hein, ça, j'aime pas. Mais, voilà. mais t'avais la musique, t'avais le... Enfin, après, pareil, toujours pareil, Turtles in Time, moi, j'avais la Super NES, j'y ai joué avec mon cousin. Forcément, c'est un souvenir que je garderai toute ma vie, qui m'est très cher. Mais enfin, t'avais la musique qui déboîtait, t'avais les sprites qui étaient super canons, t'avais des niveaux. Enfin, tu passais de New York à le Technodrome, à la préhistoire où tu tapais des dinosaures. Enfin, moi, j'en pouvais plus. Ce jeu est trop bien. Fais Hyperstone Heist prochainement, tu verras, c'est un bon jeu. Eh ben, je le ferai parce que je le connais pas, donc je le ferai. Il est vachement cool et pour le coup, en fait, les niveaux ont trop rien à voir avec la version Super NES. Faudra... Ouais. Ah oui, mais il cherche ce jeu, Hyperstone Heist. Oui. Pas donné. Ah oui. Déjà, j'ai voulu me racheter. Façon, les jeux Tortue Ninja de base, non. Même ouais. Le Tournament Fighter. Et on n'oublie pas surtout l'axiome de il y a marqué Konami sur Mega Drive. Ah oui. Ouais, ça par contre, ouais. C'est parti de ces jeux que j'ai chopé un peu au hasard avant que ça devienne n'importe quoi. Parce que j'ai reçu une petite pièce sur Sunset Rider. J'avais voulu racheter Turtles in Time déjà pas longtemps, j'ai fait oh, d'accord. Bon. Oui, oui. Donc si vous me dites c'est pareil pour suivre Mega Drive, je vais pas être bien. Hein. Turtles in Time, c'est quoi? C'est un coût de 50-60 euros, je crois, en loose maintenant. Ouais, en loose, facile. Même en loose, il coûte cher. Ouais, en loose. Et alors, on boit tes notices, bah, tu pleures. Voilà. Oui, c'est même pas la peine. Il fait partie de ces jeux, oui, qui ont augmenté de manière assez déraisonnable sur la Super Nintendo. Ouais. Et donc, au final, bah, non, j'allais dire qui c'est qui a gagné, non, on n'est pas encore là. On a oublié aussi les RP. Mais les RP, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que la Super Nintendo, il y a un élément sur lequel elle s'est imposée, bon alors plus forcément au Japon et aux États-Unis parce que nous, ouais, c'est ce que j'allais dire, nos cerveaux n'étaient pas encore adaptés à l'époque. Bah attends, on a eu Mystic Quest quand d'après même. Hein. Nintendo, hein. C'est d'après Nintendo. On a quand même eu certains RPG sur la génération d'avant, je pense à la Master System en particulier avec Phantasy Star, qui est quand même sorti chez nous, le premier sur Master System, et le X, et c'était assez peu commun. Mais c'était Sega qui était en avance là-dessus, au final. Oui, il y avait Golden Axe Warrior aussi. Mais cela dit... Le clone de Zelda. Soit... L'avantage de Sega, c'était... Enfin, de Nintendo par rapport à Sega, c'est que Nintendo a quand même compris assez tôt l'impérieuse nécessité d'adapter les jeux à la langue locale. Oui. Là où Sega, ben, pour la Mega Drive, a laissé notamment Shining Force et Phantasy Star en anglais. Oui. Ouais. Ouais, c'était pas super sympa. Là où Nintendo, sur le coup, donc, a fait l'économie de sortir ce qui restera les meilleurs jeux de la Super Nintendo, comme Final Fantasy VI, Earthbound ou Mario RPG. Chrono Trigger. Le peu de Chrono Trigger, voilà. Chrono Trigger, le peu de jeux qui sortiront en Europe, comme Fantasy Star. Non, j'arrête. Il y a les Star Ocean. Star Ocean est. Ah oui, c'est un peu. Je dis Fantasy Star. Il est con. Sera traduit. Alors, traduit bien ou mal, ça, on peut débattre. Il y avait au moins une traduction. Mais moi personnellement, je sais que j'étais un pro Sega, mais jusqu'au bout des ongles. Genre, j'étais vraiment un vrai pro Sega. Et un jour, j'ai vu Secret of Mana et j'ai acheté une Super Nintendo. Voilà. Et après, donc, tu as été déçu, bien entendu, c'est ça? Non, non, j'ai dit je ne lutte pas. My body is ready. Voilà. Oui, la légende de Thor et Soleil, c'est vrai, ils sont traduits sur Mega Drive. Oui. La légende de Thor, Soleil et Landstalker. Et Landstalker aussi. Par contre, j'ai fait Landstalker, qui au passage est un de mes jeux préférés sur Mega Drive. La trad, par contre, laisse à désirer quand même. Ils avaient pas assez de caractères pour t'écrire. Oh, mais non. Mais Landstalker est un jeu incroyable. Hein. Faites-le. J'arrive pas à croire ce que je vais dire, mais Landstalker, qui est un jeu en 3D isométrique, eh ben, il est quand même vachement bien. Mais non, la 3D isométrique, c'est pas si dégueulasse que ça. Bah, t'as envie de te torturer, joue à Jet Set Willy sur ZX Spectrum. Même si c'est un très bon jeu, c'est injouable. Bah, si je veux me torturer, je joue à Solstice. Hein. Ouais, mais Landstalker, ça va, c'était quand même très maniable. Mais c'était très bien, et à la fois. Non, j'ai des conneries, c'est pas des fois. Des fois, dans Landstalker, c'était en 3D isométrique, mais les développeurs faisaient exprès de faire de la merde. Oui. De cacher des trucs. Mais oui, c'était derrière, vraiment derrière le décor. C'était oui, vraiment oui. Volontaire, quoi. Et t'avais envie d'avoir le mec à côté de toi et lui dire t'es content là, hein, petit con là, paf, et puis une petite claque derrière la tête là. Et il y a l'antagoniste qui te colle des trolls. Je dirais pas qui c'est parce que ce serait du spoil, mais des fois va te troller, mais en mode. Et je vois Fury sur le chat qui a un traumatisme certain avec le labyrinthe de la forêt. Labyrinthe de la forêt, ouais, dans le soccer, c'était chaud. Et moi, j'ai eu tellement du bol la première fois que j'ai fait ce jeu. Parce que j'ai trouvé mon chemin presque du premier coup, donc je me suis dit, ouf, mais ça avait l'air compliqué. Hein. Mais bon, bref, voilà. Mais après, oui, Beyond parlait de Secret of Mana, il a raison. Il ne faut pas oublier que Secret of Mana aussi, on pouvait jouer à 3. À 3, ouais. Ouais, pour l'époque, moi j'ai eu la chance de pouvoir le faire à 3 à l'époque. C'est merveilleux. Un jeu d'aventure comme ça, RPG, ouais. Aventure à 3, c'est vrai que... C'est merveilleux. C'est... D'ailleurs, petite parenthèse Secret of Mana, parce que autant je cautionne toujours pas ce remake, autant je tiens quand même à signaler qu'il sort en boîte en Europe. À 40 Finalement, ouais, à 40 balles. Finalement, il sort. Bon, 40€ restera toujours trop cher pour moi, mais il sort. Et avant qu'on jette des cailloux, j'ai confondu Jet Set Willy avec Head Over Heels. Voilà. Jet Set Willy okay. Avec Willy des Simpsons. Oui, jardinier, ouais. C'est ce qui me semblait. Je vais remettre du coup mes superbes images pour les gens qui n'étaient pas là au début. Voilà. Comparatif de jaquette Master System japonaise versus PAL. Oui, voilà, c'est cadeau. Vas-y. On est plus à ça près, tu sais. Ça n'a rien à voir avec ce dont on parle, mais c'est trop beau. Pas grave, traumatisons, allez. Outre les jeux d'aventure, les autres jeux, quand même, pour moi, qui représentent mieux la Super Nintendo, surtout qui représentent mieux pourquoi la Super Nintendo a pu avoir le dessus aussi sur le long terme, c'est les jeux de plateforme, comme je citais brièvement, que ce soit les Donkey Kong Country, qui, bon, outre l'aspect graphique du jeu qui était à l'époque assez révolutionnaire. Donkey Kong Country 2 est quand même une grosse leçon de level design. Et son pendant japonais, entre guillemets, c'est-à-dire Super Mario World 2, non, il ne s'appelle pas comme ça, Yoshi's Island. On en a déjà parlé il y a 15 jours, mais on va encore remettre une petite case. Pour moi, ils sont c'est vraiment la vision américaine, la vision japonaise. Ils sont sortis à peu d'écart, les deux. Et ça reste quand on a des jeux Mega Drive, en vrai sur Mega Drive, il n'y avait pas de jeu de plateforme de cette qualité-là. Je m'offusque. Alors, je vais faire deux trucs en même temps. Moi aussi, je voulais m'offusquer pour un truc là-dessus. Je reviens. Ouais, je vais faire deux trucs en même temps. Merci Oxymore. Parce que oui, comme je l'ai dit pour la NES, je le redirai pour la Super NES. Sur la Super NES, il y a Mega Man X, donc la Super NES a gagné. Point barre. Mais en jeu de plateforme, sur Mega Drive, il y a Dynamite Eddy. Ah oui. Et on peut pas dire que c'est un mauvais jeu de plateforme. Hein. C'est même. Aussi. On peut pas dire que Ristar. Et Ristar aussi. Dynamite Eddy, lui, là, est. Je suis pas d'accord. Et puis, il y a aussi un truc aussi tout à l'heure qui n'était pas très exact, mais je reviendrai après. Et ce que je voulais dire, moi, c'était quand tu disais que Donkey Kong. Ah, on t'a perdu petite pelle. Et c'est pas de la censure, on a vraiment perdu petite pelle. Ah ouais, bah pourtant tu m'aurais censuré. Hein. C'est bon, ce que j'avais dit, je crois que tu m'aurais censuré, Moa, en plus. Ah, pourquoi? Non, parce que quand Moa disait que... Alors, je suis complètement d'accord quand il dit que Yoshi Island est un modèle de level design, parce que c'est inventif, mais c'est juste fou, hein, dans le gameplay et tout ça. Mais Donkey Kong Country, je trouvais absolument pas que le level design était original. Alors, le 2. J'ai parlé du 2. Ouais. Ah ouais. Oui. Le premier, effectivement. Son automne, monsieur. C'est ça. Le premier, effectivement, en termes de level design, n'était pas vraiment ce qu'on avait vu de plus extraordinaire. C'était vraiment l'aspect, le maniement du perso et l'aspect technique. Mais le 2, en termes de level design, c'est une idée par niveau. C'était une grosse claque. Hein. Et je sais plus qui a dit tout à l'heure aussi, c'est deux modèles différents. Le modèle américain, Rare, est un studio britannique à cette époque. Pardon, c'est moi qui ai dit la boulette. Ouais. Excusez-moi, bref, j'aurais dû utiliser occidental et comme ouais, ça. Non, j'ai voulu vérifier pour savoir à quel moment ils étaient passés du côté de chez l'oncle Sam. Mais c'est vrai, par contre, c'est deux écoles, c'est évident. Ah oui, oui. Mais deux écoles qui ont mis la concurrence en PLS, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au même moment, PS1 était déjà là. Ces jeux-là sont sortis en fin de vie de la console. Nintendo continuait à sortir des jeux sur une super Nintendo alors que la PS1 était déjà là. Quand on voit ce qu'ils ont fait, c'est vrai, bah il fallait qu'ils fassent patienter parce que la 64 tardait à sortir. Voilà, hein, ils ont réussi parce qu'on a des on a des jeux qui sont ouais. Par contre, je crois que Beyond il était pas d'accord avec un truc, mais je sais pas quoi du coup. Ouais. Beyond. Ouais. Non, ça va, je suis d'accord. Non, pour une fois, tout va bien. Ah, bah, c'est quand, je sais pas, quand j'avais dit que pour moi, Dynamite Eddy, c'était un bon jeu de plateforme, et t'avais dit, je sais pas quoi. Moi, j'ai parlé de Ristar, mais je crois que c'était Ristar, il va dire quelque chose. Ah, non. Oui. Honnêtement, j'ai jamais vraiment aimé Ristar. J'ai beaucoup de mal. Je le trouve mou, je le trouve pas intéressant au niveau du web design. J'ai beaucoup de mal avec Ristar. J'ai beaucoup d'affection. On aurait pu parler de Rollo Tozores. Non, j'ai envie. Non. C'est bon. Je pense que Fury s'adresse à toi, moi, quand il parle de Pulseman. Oui, Pulseman est très bien, mais je pense que c'était pas un facteur décisif dans les ventes de Mega Drive. Je pense pas non plus. Déjà, il était qu'au Japon. Et par contre, c'est un super jeu, Pulseman. Bah, c'est le premier jeu. Alors, c'est le premier jeu de Game Freak, créateur de Pokémon. C'est le jeu qui devait servir de réponse justement à Megaman. Et en fait, ils ont fait un truc qui ressemble pas trop à Megaman du tout dans le gameplay. Tant mieux d'ailleurs, parce que ça propose une alternative. Et c'est vraiment très bien. Donc essayez d'y jouer. Alors je vous dis en émulation, parce que là, Pulseman, les prix, ça veut rien dire. Mais essayez d'y jouer. Mais par contre, un jeu de plateforme sur Mega Drive, sur Vita Animé, qui coûte vraiment pas cher, Dynamite Eddy, hein. Allez-y. Hein. C'était le premier épisode de Moi parle-nous d'un jeu, là. Et comment tu vends Dynamite Eddy à un joueur moderne? C'est simple. Hein. Tu vois Cuphead? Voilà. c'est un peu la même idée. C'est vrai qu'il y a du mieux. Ah bah oui, enfin totalement, quoi. Je veux dire, il y a de la plateforme, il y a du running gun, il y a du shoot'em up, il y a de tout. Oui, mais c'était à l'époque, il était beaucoup plus inventif. Et il y avait des idées, et techniquement aussi, Mais techniquement, c'est un truc de complètement de malade, hein, Dynamite. Mais en fait, on peut dire ça de quasiment tous les jeux de Treasure sur la machine. Gunstar Heroes, c'est de la folie, hein, aussi. Oui, bah ouais, non, mais même Alien Soldier, qui est un immense boss rush. Alien Soldier peut se rapprocher de Cuphead, mais en termes d'inventivité, il lui met 100-0. Mais c'est parce que c'est l'époque qui veut ça. Un boss rush de cette manière, à l'époque, personne ne le faisait. Treasure est arrivé. Ouais. Ils ont tué tout le monde. Ils ont balancé aussi. C'était quoi merde, c'est quoi le jeu auquel tu nous as fait jouer bien, Alien Soldier. Alien Soldier, oui. Bah voilà. Vous comprenez pas comment des gens peuvent finir Cuphead. Bah, regardez Alien Soldier. Jouez Alien Soldier. Vous allez voir, à l'époque, il y avait déjà des trucs sacrément velus quand même. Hein. Ah non, mais c'était un boss rush. Là, pour le coup, c'était un boss rush. Ah ouais. Oh le truc. Et rien d'autre. Boss rush. Mais les boss étaient magnifiques, c'était dur. Parce qu'ils sont moins révolutionnaires, mais ils sont cool. Il y a McDonald's Treasure Land. Très très bien. Oui. Très très très très bien. Treasure qui est sympa. Ouais. Et Mickey Mac Global Gladiator aussi, d'ailleurs, ça me fait penser. Oui, mais Global Gladiator, c'est pas très dur. Ouais, c'est, non, c'est pas très dur. C'est David Perry, non c'est pas, ouais. Et juste l'autre très dur aussi sorti quand on s'est un peu oublié, c'est Light Crusader. Ah, en 3D isométrique. Oui. Oui, je suis d'accord. Et Oxymore a raison quand il parle de Sparkster et de Rocket Knight. On peut pas les oublier non plus. Sparkster, voilà, c'est ça. Ça, c'est à partir du moment où, on va le redire, où Konami s'est mis à développer sur Mega Drive, la Mega Drive a eu de sacrés arguments. Parce que donc, ah oui, non, mais Rocket Knight Adventure. Historiquement, donc, Konami ne développait pas sur les consoles Sega pour un souci de brouille par rapport au jeu Frogger à l'époque. Et par rapport à du vol de droit ou enfin quelque chose qui ne serait pas bien passé. Chou, tu te souviens de l'anecdote? Oui. C'était... Disons que Sega distribuait le jeu en ayant des accords dans un pays, mais pas dans d'autres. Mais ils se sont dit, nous, on a les droits pour tout le monde, alors du coup, on y va. Je crois que c'est ça, si ma mémoire est bonne. Et donc, sur le coup, la brouille a duré tant que Konami a dit « Nous ne développerons pas de jeux sur console Sega ». Et ça a duré jusqu'à la Mega Drive et jusqu'à, justement, la sortie de certains jeux comme Rocket Knight Adventure. Oui. C'est pas Sunset Rider, le premier, à être sorti sur Mega Drive depuis. Et aussi je crois qu'il y avait un deal aussi de Konami qui traînait aussi depuis l'époque Famicom, où ils avaient en fait trois labels. En fait, il y avait Konami, il y avait. Ah, comment ça s'appelle les deux labels à la con ? Il y avait pas le com chez nous. Voilà. Donc en fait, je crois qu'ils avaient tellement en fait, de passe-droit d'un point de vue de. Sortir des jeux sur les consoles Nintendo que pour le coup il y avait pas d'envie de développer chez Sega. Il y avait aussi faut parler aussi là en platformer Mega Drive, il y avait quand même les jeux Disney hein, de Sega qui étaient fantastiques, les Castle of Illusion, les Quatshot et tout ça, c'est quand même dingue. Ah bah d'ailleurs puisqu'on en est avec la guerre Aladdin. Oui. Et bien entendu, vous êtes tous d'accord, meilleur sur Super NES, mais 100 fois meilleur. Pareil, je pense que les gens ne vont pas m'aimer particulièrement plus qu'eux-mêmes, mais je préfère la version Super NES. Oui. Ah, toi aussi, ah merde. Je trouve la version Mega Drive magnifique, effectivement, belle animation et tout, mais j'ai toujours un problème avec les collisions de ce jeu. Ouais, mais on s'y habitue, hein, honnêtement, hein. On s'y fait hein, très vite, hein, je trouve. Je m'en vais. Bah ouais, je m'en vais comme un prince. Au revoir. Ah merde, Oxymore aussi, il est d'accord. Non mais un billon de pour revenir au Disney, de toute façon, le Castle of Illusion de Amira, et je pense que tu le préfères même au Mickey de la Super NES, il me semble. Alors ça, il y a même pas photo, je veux dire. Bah oui, voilà. Ouais. Ouais. Franchement, et puis le World of Illusion aussi, puis Quatshot, pareil. Hein. C'est la trilogie incroyable. Hein. Lucky Dame Capper sur Master System, meilleur jeu avec Donald. Ce jeu-là fait partie des jeux qui me donnent envie d'acheter une Master System, Lucky Dame Capper. Tu ferais bien parce que Lucky Dame Capper. Il est vraiment bien. Ouais. Le premier jeu Konami sorti sur Mega Drive, c'était Junction, mais bon, c'était un jeu tout à fait mineur et dont tout le monde a oublié l'existence. Et qui n'est pas mauvais. Hein. Junction, c'est pas dégueulasse. Hein. Un petit puzzle play, un peu puzzle game. C'est Sunset Riders. Et Hyperstone Haste. Ah oui. Sorti en 92. Ah bah. Et après, donc, ils ont fait Rocket Knight. Tiny Toons Adventure, Zombies Hatman Neighbors, Castlevania, Contra, Animaniacs. Castlevania qui est aussi très bon, je crois, sur Mega Drive. Hein. Oui, il est exceptionnel. Les musiques, c'est Michiru Yamane, il me semble, qui fait un épisode hors série. Hein. Il est complètement canon à autre. Bloodlines, hein. Oui. Ah, mais... ouais. Autant tout à l'heure, je disais qu'il y avait des jeux qui étaient totalement mieux sur un Mega Drive, mais Zombies, non, on oublie. On y joue sur Super NES et c'est tout. Bah moi j'y joue pas parce que je l'aime pas. Je l'ai sur Mega Drive. My Neighbors, hein, tu parles. Oui. Oh, j'aimais bien sur Super NES. Par contre, j'ai vu... Ouais, non, avec le pas de 3 boutons de pelle, tu peux pas jouer à ce jeu, c'est pas possible. J'ai vu quelque chose passer dans le chat qui s'adressait à toi, petite pelle, et je crois que ça s'est agané. Ah oui. Ah oui. J'ai eu peur, je pensais que c'était autre chose. Non. Ah oui, pelle. Si tu n'en parles pas... On va tous pleurer. Oui, je sais. Mais là, par contre, autant Agane me fait bien envie que Revenge of Shinobi l'explose. Hein. Franchement, les Shinobi, la meilleure arrive. Voilà, non, mais pour les gens qui ne connaissent pas Agane, explique-leur ce que c'est Agane et pourquoi il est bien. Parce qu'il est spectaculaire graphiquement déjà. C'est évident. Hein. C'est un shoot. Agane, c'est un des jeux qui fait mentir ce que j'ai dit tout à l'heure concernant la nervosité des jeux Super Nintendo. Ouais, par contre, c'est vrai. Oh là là. Agane, bah, je m'en souviens. Agane, hein. J'ai douillé. Là, super nerveux. Par contre, il fait partie. Bah, autant Shinobi sur Mega Drive, c'est un jeu auquel tout le monde a pu jouer. C'est autant ça. Agane est resté extrêmement confidentiel. Sorti à peu d'exemplaires en fin de vie de la console. Ouais. Mais c'est pour ça que je l'ai rapproché, parce que c'est quand même dans le même esprit. Hein. Il fait partie des jeux de Super Nintendo, comme Demon's Crest ou White Guns, par exemple, qui sont très bons, mais qui sont vraiment des jeux de fin de vie. Par contre, faut peut-être déconstruire un mythe. Demon's Crest est un jeu moyen. C'est pas fou comme jeu, hein. Faut arrêter. Moi, j'adore Demon's Crest. Oh, véritablement. J'adore un ennui, ce jeu. J'adore ce jeu. Mais parce que j'aime bien aussi Gargoyle's Quest sur Game Boy. Oui, bah, tu me demandes à choisir les deux, je te garde Gargoyle. C'est des jeux que j'adore, donc ouais, moi, Demon's Crest, j'ai passé très bon moment dessus. Ah putain, Fury, t'as raison. Hein. Agane, Alien Soldier, il a tué tout le monde, bien de la mer. Moi, ce qui m'a surpris avec Agane, c'est la palette de mouvements. Oui. Tu peux faire des trucs. Incroyable. J'ai jamais vu un jeu d'action aussi riche sur une console. Et si vous voulez pleurer et voir à quel point vous êtes nul, regardez les speedruns de Agane. Ah ouais, c'est un truc de fou. Du coup, ouais, j'en avais regardé un après avoir joué au jeu. Oh, ah ouais, je me suis rendu compte que oui, j'étais nul. Mais, c'est ça. Mais ouais. Bon jeu. Mais globalement, en fait, je dis ça parce qu'il est 23h. Hein, Super NES, Mega Drive, il n'y avait pas. Ce qui est frappant, encore une fois, comme pour la Master System et la NES, c'est que les jeux n'étaient pas les mêmes. Voilà. Il y avait des jeux qui sortaient sur les deux supports, ok. Mais les jeux sur lesquels vraiment on se bat et sur lesquels on peut vraiment donner la préférence sur l'une ou sur l'autre étaient très différents, même dans les mêmes licences comme Aladdin ou Mickey. Donc en vrai, il n'y avait pas de mauvais choix. Voilà. Vraiment. C'était vraiment lié peut-être à l'état d'esprit de la marque. Et c'est pour ça que Nintendo a toujours eu un côté plus enfantin, ou là où Sega a essayé de se donner une image plus cool et plus ado, entre guillemets. Ça avait vraiment une importance de préférer une marque par rapport à l'autre en termes d'image. Je pense pas qu'aujourd'hui ce soit si frappant entre Microsoft et Sony qu'il y ait vraiment une marque qui se démarque. Ah, je trouve qu'il y a une. Si, mais c'est moins. C'est peut-être sans doute moins puéril qu'à l'époque. Parce que quand on voit, quand Sony a sorti la PS4 Pro, ils ont intitulé leur campagne la console la plus puissante au monde. Ils intitulent leur campagne exactement pareil. Ils se battent à coups de compte de pixels, de shaders, de nombre de. Parce qu'il n'y a plus d'exclusivité. Alors non, je suis pas d'accord justement. Il y en a une, la philosophie, c'est d'avoir des exclus, et l'autre non. Non, c'est pas ça moi. Il y a beaucoup de studios Sony quand même. Il y en a une. Les jeux sont quasiment tous multiconsoles. Après, il y a quand même quelques exclus. Vous dites que quelques exclus. Non, je suis pas d'accord. Sur PS4, il y a plein d'exclus. Yakuza, y a Horizon, God of War, Last of Us. Et de l'autre côté, l'exclu, c'est les mises à jour. À l'époque, où les jeux n'étaient pas beaucoup de jeux qui étaient multi-support. Par contre, maintenant, il y a quand même beaucoup de jeux multi-support. Oui, Assassin's Creed, par exemple, il sort partout et tout. C'était pas le débat. Un peu moins importante. C'était pas le débat, j'avais juste envie de troller parce que je suis un putain de troll et tout. Mais pour revenir à l'époque Super NES Sega, il y avait vraiment, c'était comme Beyond dit, c'était plus une image et une philosophie. Chaque console avait son image, sa philosophie et ses bons jeux. Il y avait des bons jeux partout. Hein. Et ça avait du sens d'avoir les deux. Voilà. Oui, parce que les jeux étaient tellement différents. Il y avait à boire et à manger à l'époque. Et donc, pour continuer, parce que l'idée au départ, c'est qu'on parlait de la guerre Nintendo et Sega, ce qui va se passer, comme tu l'as dit, c'est que il se trouve que Sega of America et Sega of Japan vont avoir des manières très différentes de voir l'avenir de Sega et l'avenir de la Mega Drive en particulier. Avec d'un côté déjà donc d'un marché américain où on a essayé de promouvoir à la fois le Mega CD et ensuite l'extension 32X. Et à côté de ça, un Sega of Japan qui considérait que la Mega Drive était passé le mode et qu'il fallait imposer sa Sega Saturn. C'est ça, et Tom Kalinske n'était pas d'accord à l'époque et ne voulait pas de la Sega Saturn. D'ailleurs aussi, je pense pour ça que... Voilà. Alors la Sega Saturn, l'histoire dira donc peu de temps après que, évidemment, la Sega Saturn a été conçue de manière maladroite. Oui. Puisque lorsque Sega découvrira les caractéristiques de la PS1, il bricoleront un truc rapidement pour tenter de contrer la machine de Sony qui était résolument tournée vers la 3D, là où la Saturn était juste une console qui faisait très bien de la 2D au départ. Mm. Là où Nintendo choisira au contraire de prendre son temps, oui, pour créer la Nintendo 64, et eux par contre s'associer avec Silicon Graphics pour créer une machine totalement orienté vers la 3D. Je peux rajouter un truc sur Sega of America et tout. Mm-hmm. Parce qu'il y a un pan de l'histoire qui est pas très connu, qui a été révélé il y a 2 ou 3 ans, c'est que Sony et Nintendo avaient un partenariat pour développer un module CD pour la Super NES. Ça, je pense, tout le monde est au courant. Mm-hmm. Bien sûr. De ce partenariat, voilà, Nintendo s'est rendu compte que dans le contrat, il y avait, c'était quoi, un pourcentage des ventes de jeux qui revenaient à Sony, ou je sais pas quoi, ou des jeux qui pourraient appartenir à Sony s'ils sortaient sur support CD. Enfin bref, Nintendo, ils ont fait non, non, cassez-vous. Mais Sony. Barrez-vous, qu'on abîme. Voilà, Sony avait quelque chose, avait déjà développé des trucs. Ils sont allés voir Sega. Ça, personne, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait. Et ils sont allés voir Sega en disant voilà, on a ça, est-ce que vous en voulez? Encore une fois, le monsieur de Sega of America, je sais plus. Tom Kalinske. Merci, je vais mal masser. Avait dit, putain, ce serait pas con. Et Sega Japan a dit, non, non, c'est de la merde. On fait pas ça. Ils ont, donc, eux aussi ont eu l'opportunité de s'associer avec Sony et de faire un truc qui aurait pu complètement changer l'histoire. Et ils l'ont pas fait. Et Atari aussi avait eu une opportunité de distribuer la NES. Ils ont refusé aussi. Oh, voilà. Voilà, comme donc... quoi, il y en a qui n'ont pas le nez fin, quand même. Ah ouais, ouais, ouais. Enfin, c'était l'Atari sous Jacques Tramiel. Tramiel étant quelqu'un de ultra antipathique et que s'il veut quelque chose, il le fait. Et s'il a envie de te mettre 3 tartes et te traiter d'abruti, il le fait aussi. Donc voilà. Pas s'étonner. Voilà. Donc finalement, ce qui mettra fin de manière la plus sûre du monde à la guerre Sega-Nintendo, bah c'est Sony. Ouais. C'est ça. Parce que d'un côté, Sega va s'empêtrer donc avec ses licenciations internes entre le fait de vendre des extensions pour la Mega Drive et le fait de vendre une nouvelle console qui, techniquement, demandait trop d'efforts aux programmeurs pour en sortir quelque chose de correct. Et surtout le prix. N'oublie jamais le prix. Parce que le prix de la Saturn à l'époque. Voilà, plombé par un prix au départ de la console qui était beaucoup trop élevé, qui a été revu à la baisse, mais le temps qu'il soit revu à la baisse, il a été fait. Ouais, enfin, il y a eu plusieurs trucs. Sega qui décide d'accélérer la sortie de la Saturn, pour une raison, voilà, histoire de se positionner tout pile avant la PlayStation, et au tout premier E3, Sega fait une conférence, un machin, vous avez vu, il y aura ça et tout dans notre console. Sony font une conférence, il dit juste $299, il s'en va, voilà. Genre c'est $100 en moins que la Saturn et c'est tout. Voilà. Je m'emmerde même pas à dire ce qu'il y a dedans, voilà. C'est juste c'était du génie, parce qu'effectivement. Totalement, totalement. Les gens s'en sont rappelés. C'était du génie, mais encore une fois, il faut pas oublier le point principal de l'histoire, c'est que lorsque Sony s'est lancé dans la bataille des consoles de jeux, ils avaient rien à perdre. Et surtout, ils avaient des moyens considérablement plus élevés que Sega et Nintendo pour imposer quelque chose au grand public. Et ils avaient aussi surtout une technologie que d'autres n'avaient pas. Ben, je ne suis pas d'accord parce que la Nintendo 64, quand elle est arrivée, en termes de 3D, elle soutenait tout à fait la comparaison avec la PS1. Le problème, c'est que chez Nintendo, étant une compagnie très vieillotte autant en termes de raisonnement, tout comme Atari, c'est pas le genre de compagnie à partager des caractéristiques ou même des bouts de code qui vont aider les développeurs. Oui, et puis Sony, ils ont eu de la chance d'avoir des jeux de Namco dès le départ. Voilà. Et chez Sony, ils fournissaient des routines de programmation. Donc, quelque part, tu pouvais pas te tromper. Ils se sont associés avec Namco d'un côté pour permettre aussi d'avoir un pied dans l'arcade. Donc, d'aller chercher Sega sur son propre terrain. Et parce qu'il faut savoir que autant Sega, ça a été la débandade du côté des consoles de salon avec la Saturn, autant en arcade... Ils étaient toujours aussi solides. Voilà. Je tiens juste à dire... Sur Nintendo, sur la NES, il y avait Megaman et ils ont fait le plus de ventes. Super NES, il y avait Megaman X, ils ont fait le plus de ventes. Sur PlayStation, il y avait Megaman X et ils ont fait le plus de ventes. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais je décèle un pattern quand même. Voilà, c'est tout. Sur Nintendo 64, il y avait Megaman Legend, hein, et pourtant... Hein. C'était pas Megaman X, voilà. Non mais c'est quelle mauvaise foi. Comme si Megaman X4 n'était pas sorti sur Saturn. Moi, je sais pas, je me rappelle d'un Megaman X7 ou 8 qui était pas... C'est vrai, il est sorti sur Saturn, Megaman X4. Mais... Voilà, et après, ils ont arrêté. C'était pas la lead version, voilà. Donc on en était... Non, parce qu'au final, oui. Non, parce que également Sony, en termes de... oui, Fury, et ils ont tout écrasé, voilà. En termes de budget publicitaire, Sony, c'était incomparable. Ils avaient la branche vidéo derrière eux. Nintendo et Sega n'auraient jamais pu faire la campagne publicitaire qui a eu lieu, donc le comité anti-PlayStation à l'époque. David Lynch. Et surtout le nombre de la façon dont la pub ont été martelée, jamais Sega et Nintendo n'auraient pu faire ce qu'ont fait Sony. Non, parce que effectivement Sony était à l'époque un très gros constructeur de télé, musique, cinéma. Ils avaient vraiment... Et de composants électroniques. Hein. Il y avait des composants Sony dans les consoles. Ah ouais. Bah, c'est eux qui avaient fait le processeur sonore de la Super NES. De la Super NES, par exemple, c'est Sony. Hein, donc, Et puis le lecteur CD, c'était eux. Puis après, le lecteur DVD, ça a été eux. Le lecteur Blu-ray, ça a été eux. Parce qu'ils avaient déjà le matos de base. Ouais. Donc effectivement, pour eux, c'était tout bénef. Et tout en sachant que... Ils avaient surtout... C'était une équipe d'ingénieurs. Ouais, ils voilà. Ils avaient Ken Kutaragi. Et si aujourd'hui la branche entertainment de Sony rapporte beaucoup d'argent à Sony, ça n'a pas toujours été le cas. Et ils ont pu aussi se permettre d'avoir des reins suffisamment solides pour perdre de l'argent à une certaine époque, y compris au début par exemple de la PS3. Totalement. Où la console était vendue à perte pour imposer un hardware. Ils pouvaient se permettre ça financièrement. Ce que, par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui de la rationalité de Nintendo quand ils sortent la Switch avec un prix d'appel qui n'est pas extrêmement intéressant et des accessoires extrêmement chers. Oui, mais derrière, ce n'est pas du tout le même volume financier. Non, ça explique aussi pourquoi le peu de stock. Nintendo, c'est quoi ? C'est 5000 employés ? Partout dans le monde. Sony, c'est quoi ? C'est 4 fois plus ? Enfin... Ouais, ça doit être monstrueux. Après, Fury a raison sur le principe. Maintenant, Sony, c'est la branche photo et la branche vidéo qui ramène de l'argent. La télé, la musique. Ils ont lâché les portables. Ils ont lâché tout ce qui est informatique et VIO. VIO, ça n'existe plus. Voilà. Les télés, ça ne marche pas aussi bien qu'avant, mais ça, c'est de leur faute. Ils n'ont qu'à faire des télés correctes à un prix abordable. Totalement. Lecteur Blu-ray, tu n'as pas besoin d'acheter du Sony parce que maintenant, Blu-ray, quelle marque ? Quand tu vois juste les Bravia en LCD d'il y a 7-8 ans, avec leur sortie Péritel et l'image, comment les clean en Péritel. Ouais, ouais, ouais. C'est violent. C'est violent. Ah non, mais techniquement, c'était bien. Sauf que c'est vrai que maintenant, ils ont perdu du terrain. Ils ont perdu du terrain. Ils ont laissé le terrain justement à toutes les télé entrées de gamme comme Samsung ou LG. Mm-hmm. Et maintenant, ils font du très bon haut de gamme. Mais dès qu'on descend un peu en gamme, voilà. Là où ils étaient bien placés il y a des années, ils y sont plus. Mais c'est vrai qu'ils se rattrapent avec la branche vidéo qui, elle, elle explose plutôt tout, bien. Ah ouais. Plutôt bien. Oui. Mais voilà, mais tout ça pour rien. Bon, après, il y a ceux qui disent c'est la faute de Sony si Sega a coulé. Mais il faut bien comprendre, hein, il n'y a pas eu besoin de ça. Hein. Sega a suffi à lui-même pour se couler tout seul. Hein. On l'a très bien dit lui-même. Hein. Shenmue, c'est tout. Shenmue a coulé en partie. Aussi, oui, il y avait Shenmue. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y avait déjà des problèmes derrière avant. Non, mais quelque part, dire que Shenmue a coulé Sega, c'est comme dire que E.T. a coulé Atari. Moi, j'y crois absolument pas. Il y a une partie. En fait, ça a coûté du pognon, ça en termes aussi de renommée, d'accord, c'est le truc qui, voilà, c'était le truc qui était attendu par tout le monde et qui, il y a des gens qui ont trouvé que c'était pas fou. Non, non, mais voilà, Shenmue, il faut bien comprendre, le budget qui a été développé, j'ai plus le chiffre exact, hein, mais en gros, pour que Shenmue soit rentable, il aurait fallu en vendre deux fois plus que le parc de consoles installées. Oui, voilà. il fallait que chaque possesseur de Dreamcast en achète trois exemplaires. Trois ? Ah bah voilà. Et donc... sachant que derrière, ils ont fait le 2. Ouais. Ouais. C'était ça le développement du jeu, donc mais, c'était déjà... Voilà, non, mais en vrai, c'est en partie c'est... Mais cause le, de le ça. Truc, c'est que lorsqu'ils ont développé Shenmue, ils avaient déjà plus d'argent. En plus, c'est ça. C'est-à-dire que la Saturn n'avait déjà pas bien marché et c'était déjà too much à Dreamcast. Et c'est ça d'ailleurs, il faut jouer un jour, si vous avez l'occasion, de jouer au jeu Sega Gaga sur Dreamcast. Ah oui, Sega Gaga. C'est l'espèce de jeu visionnaire sur ce qu'était Sega à l'époque, puisque c'est un jeu dans lequel il faut sauver Sega de la faillite, en vrai. Ce qui est quand même... Et Inception, c'est quand même assez fabuleux. C'est presque le champ du signe en fait de oui, la console. C'est plus, c'est pas un jeu visionnaire, c'est vraiment bon. Ok, on a perdu. Et on va vous faire un petit cadeau à la fin là, Sega Gaga. Oh, bah non, mais même pas. Mais même pas, parce que quand Okano fait le jeu, Shenmue, il est même pas encore fini. Ah ouais. Ils savent même pas encore que c'est comme ça. Ils se doutent qu'il y a des problèmes, mais en fait, Okano. On lui donne pas de budget pour faire le jeu. Sega Gaga, il a été fait avec tellement peu de moyens. Mais vraiment, il n'y a pas de moyens. Tous les films, ils étaient quand dans Sega Gaga. Ouais, mais quand Sega Gaga est sorti, ils savaient déjà que Sega, c'était fini. Oui, je pense aussi. Là, il à l'époque, du développement, non. Quand il a commencé son jeu, non. Mais il savait que c'était un peu... Je pense que si. Il me semble que j'avais lu un truc comme ça. Hein. Que c'est... savaient des... Tu peux lire l'article. Il y en a un article dans Pix & Love. C'est le 11, sur Megaman d'ailleurs, qui en parle. Et effectivement, tu t'aperçois que non, à la base, c'était pas être censé le chant du cygne. Ça, c'est marrant, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai pris, le truc. Hein. Quand j'en ai entendu mais parler. Mais parce que c'est un concours de circonstances, mais à la base, non, c'est pas ça. Le type, il savait qu'il y avait un problème, il s'est dit, voilà, faire un jeu où on va sauver ses... C'est pour donner une meilleure image. Finalement, il avait raison. S'il y a un point... sur lequel Sega a gagné, c'est les pubs de la Saturn au Japon. Ah, Sega Saturn Shiro. Là, c'était, il pouvait pas faire mieux. Il y a personne qui a fait mieux. C'était pas possible. Ce personnage est vraiment culte. Même nous, on en a entendu parler alors qu'on n'a jamais vu ses pubs. Et c'était vraiment un personnage vivant. Et quand là, je me suis. C'est un jeu. Il y a même un ou plusieurs jeux, Sega Tachan Shiro, je sais plus. Mais il y a un. Et t'as aussi deux titres, je crois, avec la musique en fait des pubs. Ah bah ouais forcément. Et il y avait même, là, du coup, la dernière pub pour la Saturn, où Sega Tachan Shiro se sacrifiait pour sauver l'humanité. Ouais. Et c'était le lancement de la Dreamcast, quoi. Enfin, cette pub était géniale. Alors, je sais pas si quelqu'un veut faire un mot de la fin, parce que... Bah non, la question c'est... Bon, on sait tous que dans nos cœurs, c'est le gars à gagner, mais... Alors, attendez. Ban, Beyond... Ça faisait longtemps que j'avais pas été bon. Non, mais... Enfin, vraiment, je pense qu'on a vécu une époque formidable, j'ai envie de dire. Une belle aventure humaine. Voilà. On était, enfin, il n'y avait pas, même si on aurait pu se dire oui, mais tu vois, c'est logique, telle console est plus puissante que l'autre, voilà. Il n'y avait pas que ça. Il y avait voilà l'attachement à une marque, il y avait l'attachement à une image, il y avait certains jeux qui nous parlaient plus que d'autres. Enfin, il y avait voilà juste le plaisir qu'on avait à jouer. Il y avait juste vos parents qui ont entendu quelqu'un qui a la Super NES et qui se sont dit que c'était ça, donc ils vous l'ont acheté. Moi, c'était ça. Que c'était moins cher. Y a un truc ça qu'on n'a pas dit. C'est, par exemple, moi, quand mes parents parlaient d'une console de jeux vidéo, en général, c'était une Nintendo. Je ne sais pas si c'était le cas chez vous. Non, moi, c'était une Sega, mais parce que le prix était pas cher. D'accord. Il a raison. C'est que quand tu voyais même dans les feuilletons de télé et tout, on ne disait pas une console, on disait une Super NES. Voilà. Et comme on pourrait dire une PlayStation. Quand Sony ont débarqué, après, mes parents, ils disaient une PlayStation. Pour être précis, c'était pas une Nintendo, c'était une Nintendo. Une Nintendo, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais c'est exactement ce qui s'est passé au Japon. Hein, parce qu'au Japon, en vrai, une console de jeu, c'était une Famicom. Ouais, Mais c'est ça. Et après, Sony est arrivé. Son rouleau compresseur est arrivé. Mais bon, ça c'était un petit détail. Bah, la PlayStation. Après, moi j'avoue que, par exemple, à l'époque de la Saturn, lorsque je jouais tout seul, je jouais sur ma Saturn tout seul chez moi. Et quand on jouait en multi, on prenait un Nintendo 64, on branchait 4 manettes. Totalement. Donc, c'était exactement ça. C'était vraiment différent les unes des autres. Et c'est un peu aujourd'hui la complémentarité que moi je pourrais retrouver en ayant d'un côté ma Switch et de l'autre côté ma PS4. Où là, il n'y a pas les mêmes jeux, il n'y a pas les mêmes plaisirs. C'est pour ça que je trouve totalement absurde aujourd'hui ce qui est en train de se passer sur la Switch. Je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de porter Doom, Elle est Noire ou Skyrim ou Rime sur la Switch. Je ne vois pas l'intérêt, franchement. Pour, si, moi je le vois pour le public Nintendo qui semble revenir avec la Switch, qui aurait eu peut-être la Wii et pas de PS4, pas de Xbox One, rien. Ces joueurs-là, ils s'en foutent de ces jeux. Mais pas forcément, pas forcément. Les gens qui jouaient à la Wii Fit ou à Wii Sport, ils s'en foutent complètement de jouer à Doom ou à Skyrim. Ouais, mais ça reste un. Quand tu parles d'un point de vue marketing et tout, ça reste un marché à essayer d'explorer. Ça coûte pas des masses de. Non, mais je parle pas d'un point de vue financier, je dis juste d'un point de vue. Je n'achèterai jamais ces jeux sur Switch. Ah, moi non plus. Ce ne sont pas des jeux qui font vendre des consoles, mais peut-être que les gens qui ont déjà la Switch auront peut-être envie d'essayer, parce que ça vient sur leur machine. Je serais quand même vachement curieux. Mais il y a quand même le côté nomade qui est vachement important. Voilà, parce que par exemple, je serais curieux de tester Doom sur Switch, juste voir ce que ça donne. C'est pour ça. Ouais. Il paraît que c'est pas terrible. Apparemment, la version de... Alors, j'ai vu plusieurs avis, mais la version de Skyrim sur Switch, elle est pas dégueu, et ça fait Skyrim portable. Oui, mais c'est ça, c'est pour jouer en... À voir. Je sais pas, mais bon. Mais par contre, je suis d'accord sur le fait que tu vas pas acheter une Switch pour jouer à Skyrim. Ou à Doom. Clairement pas. Sinon, c'est que t'as pas compris le truc, en fait. Mais... ça dépend. Si c'est pour te dire, je le refais. Hein, tu sais, genre en mode dans le train, dans le lit et tout ça. Mais tu penses qu'il y aurait vraiment des gens qui auraient envie d'acheter une Switch exprès pour refaire Doom dans le train? Bon. Non, je sais pas. Par contre, quand je vois Oxymor qui dit qu'NBA 2K s'est bien vendu sur Twitch, je serais curieux d'avoir les chiffres. Effectivement. Mais apparemment, je vous dis aussi. Je serais curieux d'avoir les chiffres. Moi qui aime les jeux de basket et NBA 2K. En général, je serais curieux de savoir combien les chiffres. Mais Xenoverse aussi s'est bien vendu apparemment sur Switch aussi. Mais pourtant, il y a deux soucis qui sont déjà présents sur Switch et qu'on ne peut pas ignorer pour l'avenir. C'est que déjà, d'une part, elle est déjà au bout de ses limites techniques sur le port de Doom, par exemple. Ah bah ouais. Comme ils disent, des presets plus bas que des presets low sur PC. Oui, mais parce que Nintendo, de base, ne voulait pas jouer dans la même cour, mais on sait, ça fait des années. Il y a aussi un deuxième point, toujours technique, très important, c'est qu'aujourd'hui, des jeux comme Elle est Noire imposent d'avoir une carte mémoire de grande capacité pour pouvoir jouer au jeu et de télécharger une partie des données. NBA 2K, c'est pareil. Voilà. Et là, c'est pour moi deux points qui sont vraiment rédhibitoires. Et autant je continuerai à jouer aux jeux Nintendo, à jouer à Mario, à Zelda et aux jeux parce que Nintendo, ils savent optimiser les jeux. Parce que honnêtement, quand on voit Mario Odyssey tourner à 60 FPS avec aucun temps de chargement quand on se téléporte d'un bout à l'autre du niveau, on se dit que avec des efforts, on peut faire quelque chose de cette Switch. Mais pour moi, pas jouer au jeu PS4. Oxymor nous dit, d'après ses souvenirs, 400 000 pour le Xenoverse. Ce qui est relativement bien. Ouais. Pour le coup. Après, on est en train aussi de suranalyser une console qui n'est pas sortie depuis un an. Ouais, c'est ça. On peut peut-être lui laisser un an ou deux et puis en reparler, non, peut-être. Au final, on en a suranalysé des choses qui viennent de sortir. Mais le fond du truc, c'était pertinent. Vraiment... que là, voilà, on a, avec la Switch, on peut retrouver ce petit côté, on peut avoir deux consoles qui n'auront pas du tout les mêmes jeux d'un support sur l'autre. On ne parle plus de guerre, comme effectivement, ça s'adresse plus au même public. Par exemple, l'époque Sega Nintendo, c'était une guerre, alors que ça ne s'adressait pas forcément au public, tu vois, mais toujours est-il que c'est plus justifié de pouvoir se dire, j'achète une Super NES et une Mega Drive J'achète une PS4, une Switch, j'achète une... voilà, enfin voilà, c'est ça que vous voulez dire en fait. Ce qui a changé aussi par rapport à l'époque, c'est que le coût des jeux vidéo a quand même beaucoup baissé, n'en déplaise à ceux qui disent que c'est encore trop cher. À l'époque, avoir une Mega Drive et une Super Nintendo, ça supposait aussi acheter des jeux Mega Drive et des jeux Super Nintendo, et les jeux n'étaient pas au tarif qu'ils sont aujourd'hui. 500 francs. Ben, 500 francs, sauf que non, 500 francs de l'époque. Non, mais je parle à l'époque, c'était 500 voilà, francs. Donc Maintenant, en attendant, avec les soldes, vous pouvez avoir des jeux 20 euros. Il ne faut pas convertir directement 500 francs en euros. Il faut prendre en compte voilà, l'augmentation du coût de la vie. Et sur le coup, ça représenterait aujourd'hui, c'est un peu, acheter un jeu Super Nintendo 9 à l'époque, c'est un peu comme si vous achetiez tous vos jeux 100 euros aujourd'hui, quand c'était quasiment tout le temps des collectors. Il n'y a pas que ça. Enfin, on peut jouer aux jeux vidéo pour des sommes plus modiques à l'époque. Et surtout, c'est plus facilement accessible. Il y a avec le démat et même en magasin, il y a beaucoup plus de facilité à trouver des jeux. Il n'y a plus, il n'y a quasiment plus aujourd'hui, comme on disait par rapport à Agané, le fait que le jeu est quasiment introuvable en magasin. Ça, sauf exception, effectivement, parce qu'il reste encore des exceptions, mais oui, la majorité du temps, on a accès quand même à beaucoup plus de choses facilement. Voilà, bref, tout ça pour dire que. Peu importe sous quoi vous jouez, l'essentiel c'est de prendre du plaisir à jouer. Et après, voilà, c'est toujours bien, mais comme disait. Est-ce que nous on doit dire qui on aime? Ah non, non, on n'est pas obligé. Mais comme disait Brassens, parce qu'on va citer Brassens, parce que moi je veux, mourir des idées, oui, mais de mort lente. Parce qu'il arrive parfois qu'on meurt pour une idée qui n'a plus cours le lendemain. Voilà. Donc, je pense que c'est ça la meilleure philosophie. C'est. on peut se battre pour certaines choses, mais bon, des fois, ça en vaut peut-être pas la peine. Non, mais moi, si ça intéresse les gens, Sega. Ah non, mais Master System, voilà quoi. Hein, j'ai ma Master System. J'aime Nintendo. En fait, j'aime les deux, mais. Sega a une place particulière dans mon cœur. Et pas seulement parce qu'ils sont disparus en tant que constructeurs de consoles. Non, c'est parce que c'est vrai que les meilleurs souvenirs quand j'étais enfant, ça reste sur ma Master. Mes jeux préférés sont sur Master. Spellcaster, pour moi, reste le jeu ultime. Mais bon, après, oui, je kiffe Nintendo aussi. Hein. Évidemment. Je pense. Bon. Nintendo, Nintendo, Nintendo. C'est vrai, Nintendo, Nintendo, Nintendo. Nintendo. Ce sera le monde de la fin. J'ai même pas parlé, je suis sûr, de Mega Man X. Et j'ai une idée. Pour conclure le podcast, on fait Nintendo, mais en canon. Ah, oh, non. Non. J'aurais essayé. Comme le groupe de Homer. Voilà, oui. Je suis d'accord. Oh, mon Dieu. Non, mais oui. Moi, sur le coup, on va se retrouver dans 15 jours pour un podcast vachement plus préparé. Totalement axé sur Nintendo. Voilà, ce soir, c'était un peu la détente, c'est un peu la fête. Je pense qu'on est un peu fatigués, on a tous envie de déconner, de penser à autre chose. Moi, ouais, j'espère que vous êtes amusés sur le chat. Dans 30 secondes, je dors. Moi, je suis esquinté. J'espère que vous avez passé un bon moment comme nous. Mm-hmm. Souhaite une bonne nuit. Merci aux gens de nous avoir écoutés, d'avoir participé sur le chat. C'était très bien. Des bisous. Et à bientôt. Et je vous souhaite bonne nuit de la part de Pell. Des bisous les enfants. Et puis désolé pour ce sujet, moi j'avais lancé ça comme une blague hein, à la base. Voilà. Et on a trouvé que c'était un sujet très très intéressant. Allez. Des bisous les gens. Voilà, ce sera le mot de la fin. Des bisous. Et je coupe, comme un gros sauvage. Sleep. Nintendo.